3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Eh ben, il en fallait 6, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. L'aventure continue, Avenue Knicks Week, ça continue aussi, épisode 123, toujours fidèlement accompagné de Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va, on est parti pour un deuxième tour de playoff, donc bah, c'est déjà satisfaisant, donc maintenant... Ouais. On a fait l'apéro, maintenant ça on attaque le plat de résistance quoi. Est-ce qu'il y aura du dessert ou pas? On verra. En tout cas, voilà. Est-ce que le plat va être copieux? Est-ce moi, que ça sera plutôt aller... du fast food? Moi je veux aller jusqu'au 10 jours. Tu veux jusqu'au digestif? Ça serait la parade. On verra si on ira jusqu'au 10 jours. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cet nouvel épisode de Avenix Week, le rendez-vous hebdomadaire, ou quasi. Oh, presque hebdomadaire quand même, hein. Sur KNF TV, vous connaissez la formule, vous le savez encore, il y a toujours beaucoup de choses à dire et on va pas perdre de temps, on va lancer le petit jingle, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière côté Knicks avant de se projeter sur ce qui se présente cette semaine. Et il se présente du lourd, hein, il se présente du lourd. Allez, on nettoie les lunettes, on lance le petit jingle et c'est parti pour l'épisode 123. Eh bien, on avait clinché les playoffs. Maintenant, on est en mode advance. Et oui, on passe au tour suivant. C'est la moindre des choses qu'on pouvait attendre des Knicks quand même, de se sortir de ce premier tour. Ça a été compliqué, accroché. Ça, on va en parler. On va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur cette série. Elle appartient maintenant au passé. C'est une série où on ne s'est pas ennuyé. On pensait qu'elle allait se terminer en 5, qu'elle allait se terminer à New York, et ben non, il a fallu une petite manche de plus, il a fallu retourner à Détroit, et un peu comme la saison dernière, ben les Knicks passent en 6. Les Knicks ont eu du mal à clincher ça, à advance, à passer, à se débarrasser de ses Pistons, il a fallu retourner une fois de plus à l'extérieur, et vous le savez, ils se sont qualifiés. Et qui dit, du coup, qualification, dit nouveau tour. Et qui dit nouveau tour, dit quoi? Dit nouvel adversaire. Oui, certes. Mais aussi, nouveau rendez-vous avec l'association. Nouvelle KNF Viewing Party en mode playoff. Et là, on va envoyer du lourd pour le match numéro 3. Et ouais, JB, vous connaissez le signe de JB pour le numéro 3. Vous savez que JB est capable de nous envoyer des bons petits missiles. Vous savez aussi que Anthony Towns, il aime bien ce chiffre de numéro 3, alors que nos caméras sont figées, mais c'est pas grave, les voix continuent en tout cas d'être enregistrées. On vous donne rendez-vous samedi au Hideout, Paris, Gare du Nord, le lieu habituel de la KNF pour les KNF Viewing Party, et ça sera à partir de 21h pour un début de rencontre à 21h30, un match 3 qu'il faudra pas louper, que ce soit pour vous, fans d'Enix, mais comme pour les joueurs d'Enix, parce que voilà, retour à la maison après deux matchs à Boston dans le Massachusetts. Il va falloir qu'au Madison Square Garden, les Knicks ne fassent pas de faux pas. On ne sait pas à quel moment, à quel niveau de victoire-défaite les Knicks seront à ce match 3, mais en tout cas, un match à domicile, il vaudrait mieux sécuriser ça par une victoire. En tout cas, on sera là présent pour supporter l'équipe à distance depuis notre repère et on vous attend nombreuses et nombreux. Donc, c'est ce samedi. Rendez-vous à ne pas manquer. Il y a de fortes chances que ce soit la dernière KNF Viewing Party de cette saison. Peu probable que le calendrier de la NBA nous permette d'avoir d'autres rencontres en prime time. Et il est sûr que pour cette suite de série du second tour, c'est la seule date qu'on aura en week-end. Donc voilà, profitons-en. C'est un samedi, comme ça, le lendemain, petite gueule de bois ou gueule de fête, à voir, lendemain de fête, vous aurez l'occasion de vous reposer tranquillement le dimanche avant de rattaquer le boulot plus tard. Voilà, ça, c'est le rendez-vous à ne pas manquer et on se devait de lancer l'émission par cette annonce qui sera relayée sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous savez pour nous retrouver au niveau de la KNF. Bon, avant de parler cette série face aux Celtics, et on a envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous trotte en tête depuis une saison, voire un peu plus, eh ben on va revenir quand même sur ce qui s'est passé sur la fin de cette série face aux Detroit Pistons. La semaine dernière, on pensait, on espérait, on se disait pourquoi pas, les Knicks vont finir cette série à la maison. Ils menaient 3-1 après deux beaux succès arrachés, voilà, avec des éléments parfois litigieux, parfois d'arbitrage, parfois des matchs très serrés à Détroit dans le Michigan. Eh bien non, le match 5, il a été plus compliqué que prévu. C'était un match 5 qui était aussi un petit peu teinté d'émotions diverses et variées. Il y avait, pour commencer, bah, une commémoration, un moment de silence, un moment de recueillement pour le disparu Dick Barnett. Et ce petit liseré maintenant qui orne les jerseys des Knicks, qu'ils arborent fièrement, en tout cas en la mémoire de cette légende, de ce Hall of Famer, un petit liseré noir avec le numéro 12. Et pour compléter ce moment, cette soirée riche en émotions, ce retour au Garden et en playoff face à ces Pistons, eh bien on avait aussi la remise du trophée du Clutch Player of the Year pour Jalen Brunson. Donc ça faisait beaucoup déjà sur cette soirée. Il y avait de la pression, de l'attente en termes de résultats. Un public qui a peut-être un peu été moins présent aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé toi quand tu as visionné, quand tu as vu ce match. On avait quelques amis qui étaient présents dans l'assemblée au Madison Square Garden. On salue Ben et Baptiste, qui sont des membres importants de l'association et qui ont eu l'occasion de pouvoir profiter de cette soirée en live and direct du Madison Square Garden. Mais voilà, des places qui sont très très chères et peut-être un public aussi qui est un peu moins, on va dire, supporter que ce qu'on aurait pu attendre. On avait eu déjà ce phénomène lors des Jeux Olympiques à Paris, où l'équipe locale, a.k.a. l'équipe de France, avait un petit peu trouvé l'ambiance un peu plus refroidie que sur des matchs précédents. Et bien là, voilà, on a un Madison Square Garden qui n'est pas tellement accessible financièrement. Les places s'arrachent, mais pas à des petits prix, au contraire. Donc ça limite aussi l'accessibilité. Et peut-être que l'ambiance s'en est retombée. Là, on avait pourtant un match qui était très accroché sur ce match 5. Voilà, tout ça, c'était le contexte de cette rencontre, de ce match 5. Et puis, il y a eu quelques petites blessures, des bobos. Bref, dommage, les Knicks ne se sont pas imposés chez eux. Finalement, ça fait quand même des matchs laissés sur la route à domicile. C'est un facteur d'inquiétude pour toi, Seb, de ne pas être, comment dire, souverain chez soi, souverain au Garden. Pourtant, on a l'avantage du terrain, en plus. Bah écoute, tu parles des prix. Les prix sont un facteur de sélection aussi, hein. On l'a bien vu notamment au Paris Games Week. Souvent, les gens décriaient l'ambiance en disant « Ouais, je comprends pas. » Ben, en fait, à partir du moment où c'est que tu mets un prix élevé, tu le rends moins populaire. Donc, les gens d'un autre niveau y vont et sont peut-être moins dans la ferveur. Tu le vois notamment sur le dernier match, lorsque sur un écran géant, donc avec un accès gratuit, j'imagine, tu avais donc tous ces fans qui étaient là, et c'était la folie, limite, ça se faisait des batailles de gobelets de bière, quoi. Donc forcément, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que tu te retrouves avec des grosses ambiances Knicks à l'extérieur, parce que ben, les gens peuvent se les payer, finalement, ces places-là, parce qu'il faut voir que le premier prix, t'as $500, c'est cher, quoi. Donc, c'est vrai que compliqué. Moi, j'étais un peu triste parce que, en fait, de ce match 5, par la défaite d'une, mais aussi parce que je m'étais dit, il faut qu'on rende le lieu hostile. Ils l'ont rendu hostile, eux, avec des sifflets, des insultes pour Jalen Brunson, une grosse ambiance, des gros chants. Et tu sentais presque, ouais, que t'étais dans un chaudron, quoi. Un public à l'unisson de son équipe qui, du début de la rencontre jusqu'à la fin, était vraiment derrière son équipe. Là, au Garden, il y a de l'ambiance. On va pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance, mais ça retombe. Ouais, mais ça retombe par moments, là où l'équipe aurait peut-être besoin d'un supplément d'âme, mais justement, Une personne qu'on suit tous les deux, qui est CP, The Franchise de Knicks Fan TV, qui était au match et qui a marqué à un moment donné durant le match. Je suis rang je sais plus combien, j'ai l'impression d'être dans une bibliothèque. Et ça voulait tout dire. Et le mec est un gros fan, tu vois. Donc c'est vrai que vu que tu t'arrives pas en fait à bousculer les adversaires par ce rôle-là de ferveur locale. Bon après, si on doit revenir au match, eh ben, le match est un échec complet. Hein. Tu perds de 3 points, mais tu as été mené durant tout le match par Détroit. Eux d'entrée, ils prennent les rênes du match. Tu sens qu'ils en veulent plus. Tu sens que nous, on marche sur tes œufs. Ils étaient dos au mur. C'était pour eux un match. Ils étaient dos au mur. Et, win or et, go home. Donc, et nous, on est mal rentrés. Jalen Brunson a fait son pire match de la série. Ouais. Les tirs étaient soit trop longs, soit trop courts. J'ai trouvé aussi que dans le première mi-temps, il cherchait trop à vouloir lui imposer son jeu et on n'a pas retrouvé le Jalen Brunson des games 3 et 4, c'est-à-dire très collectif, très dans la passe. Là, il était assez personnel. C'était un peu ce que les gens n'aiment pas trop voir de Jalen Brunson, c'est-à-dire iso Brunson. Caricatural un peu, ouais. Il avait été critiqué sur le match 2. Qui avait été une défaite au Garden, en disant, voilà, c'est le Jalen Brunson show, ok, 37 points, mais il n'investit pas ses coéquipiers, il n'a pas confiance, entre guillemets, en ses coéquipiers dans les moments où ça compte en fin de match. Bon, ça s'était plutôt bien rectifié sur les matchs qui ont suivi. On avait retrouvé un Karl Anthony Towns qui était beaucoup plus entreprenant, qui n'attendait pas que le jeu vienne à lui, mais qui était vraiment dans l'agressivité du panier. Là, sur ce match 5, bon, il y avait tout ce contexte, le Howard, il y avait le match 4 sur lequel on n'en a pas parlé, mais il y avait la fin qui a été très litigieuse et pour lequel les arbitres ont reconnu assez vite et ils ont complété la reconnaissance d'erreur par last 2 minute report. Il y avait une erreur d'arbitrage. Voilà, il y aurait une faute qui aurait dû être sifflée. Si, donc il y avait tout ça. On en avait parlé, mais on n'avait pas encore le retour du rapport de deux dernières minutes. Il n'y a que ce call-là qui était considéré comme une erreur d'arbitrage. Le reste, les autres no-calls qui ont eu lieu sur les batailles au rebond entre Hart et Harris, des choses comme ça, ça a été désavoué par les arbitres a posteriori. Donc il y avait aussi ce côté, les Pistons avaient peut-être eu le sentiment de s'être fait voler quelque chose. Et avaient envie de pousser la série pour un retour chez eux. Bon, les Knicks, là, avaient la pression du résultat. Ils devaient finir le job, finir la série. Le Jersey Statement, peut-être que City Edition, cette année, n'a pas l'air trop leur porter chance. Et effectivement, ils se sont inclinés. Mais oui, on a eu un Brunson qui n'était pas en réussite. On a eu un Karl Anthony Towns qui n'était pas en réussite. Ouais. Et sur un match comme ça, bah ouais, on avait aussi besoin de ces joueurs-là pour finir le travail. On a toute l'équipe qui est passée au travers. Hein. Je veux dire, tu shootes à 3 à 8 sur 29, t'as forcé. Ouais. Non, 8 sur 29, c'est nous, 9 sur 25, pardon. Ce qui n'est pas forcément mieux. Hein. Non, pas une grosse adresse non plus côté Détroit, mais en tout cas, on a été bousculé. On n'a pas eu la maîtrise du match chez nous. Dommage. Le joueur qui fait peut-être son meilleur match, c'est Mitchell Robinson. Mmh. Tant mieux pour lui. Mais c'est aussi un signe inquiétant quand on arrive à se dire que finalement, le meilleur joueur, c'est Mitch Robinson. C'est pas lui qui va faire basculer le sort d'un match. Non, mais tu sentais qu'il posait des problèmes. Il va pas peser sur le sort d'un match. Mais disons que tu sentais que par sa présence, par son défi physique, par le fait aussi qu'il est à l'intérieur et pas comme Towns qui est plutôt à l'extérieur, il bousculait beaucoup les intérieurs de Détroit et il leur a posé des soucis. Et c'est pour ça aussi que Duren était peut-être un peu moins rayonnant au rebond, et même s'il en a pris 14, mais c'était quand même un peu moins rayonnant. Et il avait donc cette faculté aussi à dissuader. Donc il a pris combien de rebonds offensifs ? 11 rebonds. Alors, non, fortif, je sais plus, mais il termine la rencontre à 13 points, 11 rebonds. Il prend 5 fautes, dommage pour Mitch. 8 rebonds offensifs. 8 sur ses 11 rebonds. Les, Les points qu'il score, ils viennent essentiellement de là, hein, sur des Voilà. rebonds offensifs. Donc. Et en tout cas, voilà, il a été en seconde chance plutôt très utile, ce Mitch. Mais voilà, autrement, le reste de l'équipe, qui s'oriente très principalement sur le 5 majeur, n'a pas été au rendez-vous. Brunson, on est à 4 sur 16 au shoot. Karl Anthony Towns, on est à 5 sur 14. Finalement, peut-être que c'est OG qui s'en tire le mieux avec 19 points sur cette rencontre, mais voilà, ça n'a pas été suffisant pour finir cette série et à la maison. C'est dommage parce qu'on s'était dit, voilà, ne leur donnons pas l'opportunité d'espérer encore, de se remettre dans une pression de devoir retourner à Détroit. Bah, c'est loupé, c'est loupé. Il restait encore des balles de match. Donc voilà, la situation n'était pas encore critique pour New York, mais c'était une occasion de manquer, et puis c'était une défaite de plus à la maison. Sur cette série, au final, il y aura eu deux défaites, et deux défaites au Madison Square Garden. L'avantage du terrain, bon, bah ouais, non, dommage, dommage. Heureusement que le bilan à l'extérieur est nettement en l'avantage des Knicks, avec ce 3-0 acquis à Détroit, qui était dans une ambiance et un lieu plutôt qui leur a été hostile. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt rassurant de se dire que l'équipe est capable de se remobiliser mentalement et de faire la bulle autour d'elle pour pouvoir aller gagner dans des environnements qui ne leur sont pas acquis. Mais voilà, il y avait un sentiment de déception de se dire, encore une fois, on perd au Garden, tout était réuni pour que le public fasse la fête à la fin, hein, même si voilà, les places ne sont pas accessibles comme on aimerait qu'elles le soient. Mais ouais, dommage sur cette rencontre, il y avait vraiment un sentiment de, et voilà, on retombe un petit peu dans nos travers, on n'arrive pas à être dominant, mais on ne l'a jamais été sur cette série, on ne l'a jamais été non plus en saison régulière, et bah c'est un petit peu à l'image de cette saison, de cette série, un match accroché et des Pistons bah, qui sont valeureux, qui sont accrocheurs, qui ne lâchent rien. Et ça, en ça, c'était très respectable vis-à-vis de l'adversivité, j'ai du mal à le dire, l'adversaire en tout cas, de ne pas avoir craqué dans cette situation-là. On pensait, on le disait même la semaine dernière, qu'après cette erreur d'arbitrage, ils avaient peut-être pris un coup derrière la tête, que ça aurait pu être un coup fatal, on va dire, pour une équipe qui est jeune. Il y a des vétérans, certes, mais elle n'avait pas de vécu collectif en playoff depuis un bon paquet de saisons, et ben non, ça leur a pas permis de craquer sous la pression, bien au contraire. Et donc félicitations à eux pour cette victoire au match 5, un score serré, hein, 103-106, comme toute la série, hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Un match par lequel on est passé dans toutes les émotions quand même. C'était pas totalement maîtrisé. Tu as pris 15 points d'avance. Tu fais cette fois-ci, tu fais un deuxième quart catastrophique. C'est simple. Comme j'ai aimé dire, tu as été régulier dans l'irrégularité. Tu as fait un super premier quart, un deuxième catastrophique. Un troisième, une fois n'est pas coutume, et ben bon. Et un quatrième désastreux où, ben à la fin, Jalen Brunson, sur ses 10 points marqués dans le troisième quart, il en marque 8 dans les dernières minutes. Et ben voilà, donc ce match symbolise parfaitement cette série en fait. C'est-à-dire, on est devant par le talent. Ah, tu parles duquel? Du 5 ou du 6? Du 5. Ah oui, ok, du 5. Parce que sur le 5, il y a aussi ces Non, c'était le inquiétudes 6, pardon, entre... Ah! je croyais que tu parlais du 6, pardon, je croyais que tu parlais Non, du 6. moi je parle du 5. Parlons toujours D'accord. du 5, on va revenir sur le 6 dans quelques instants. Mais sur le 5, on a Josh Hart qui retombe très mal après une lutte au rebond Ah, aérienne la ou... fin de match fait peur, oui. La fin de match. Et il met vraiment beaucoup de temps à se relever. Thibodeau obligé de prendre un temps mort parce que bah, le jeu s'arrête pas et du coup pour le sortir. On a Jalen Brunson aussi qui se fait un peu la cheville avec un mouvement du parquet. Là, on se dit aussi avantage du terrain, avantage du parquet. Ouais, bon, bah, je sais pas qui a monté le parquet avant, mais il y avait une petite zone de flottement à un endroit. Euh, C'était on l'a vu bizarre, au ralenti. hein? Hein? C'était. C'est. Voilà, le On sol aurait qui dit, était tu creux, sais, quoi. les tapis de gym ou les trucs comme ça, tu sais, qui. Qui absorbent, qui sont mous en fait, quoi. Ça me fait Et on penser, parle d'un parquet NBA, quoi. Hein. ça me fait penser à une fois, c'était lors en fait, d'un match de Golden State, mais ça remonte maintenant. Et en fait, tu as Curry comme ça qui s'entraîne, tu sais, c'est au tout début du. Enfin, c'est pendant les Le entraînements, quoi. warm-up. Et en fait, donc il est là comme ça, et puis il est sous le panier, et le ballon il Il rebondit. dribble et... Ouais. Il rebondit pas, et en fait, bah, il revient, il tape à côté, et à l'endroit précis, ça rebondit. Et en fait, c'était une latte qui était mal mise, et tout de suite, il l'a senti en fait au rebond quoi, de la balle. Ouais, bah, un rebond qui était irrégulier. Et là, on était sur un parquet, on va dire, pas traditionnel. On était sur le parquet City Edition. Donc, qui est parquet qui est sorti à moins d'occasion que le parquet classique d'Enix. Donc. Pris l'humidité, il avait peut-être pris l'humidité parce que c'est pas à cause des Rangers, ça. Ils ont pas fait les playoffs cette année, donc il n'y avait pas double salle cette année. Donc. Non, mais bon, voilà. Donc, du coup, ça n'a pas arrangé les choses. Et la fin de match, bah, il y a eu justement ce flottement, non pas du parquet, mais de ah, bah, Hart doit sortir, Brunson aussi. Donc, on remet qui? On remet les joueurs du banc qui n'étaient pas prévus de jouer à ce moment-là parce que ils s'y attendaient pas. Et puis, il y a eu ce flottement de ah, ça y est, ils peuvent revenir. Oui, mais on prend pas de temps mort. Bah, en même temps, on a pris un temps mort avant. Donc, si on en prend, on n'en aura plus. On fait faute, on fait pas faute. Voilà, il y a eu une période de flottement dans le match, dans la façon dont le coaching s'est fait pour pouvoir réintroduire les joueurs majeurs. Et pendant ce temps-là, bah, les Pistons, eux, ont continué de jouer, ont continué de mettre les Knicks dans la tête dans le seau. Et ça s'est joué sur la fin. Et les Knicks ont pu refaire revenir, comment il s'appelle, Brunson et Hart. Mais le mal était fait. Est-ce qu'avec Brunson et Hart, le match se serait gagné dans les derniers instants? On n'en sait rien. On n'en Pose sait pas, rien. pose pas, moi. La dynamique était clairement en faveur des Pistons sur cette rencontre-là. Mais voilà, il y a eu voilà, un match 5 très particulier sur pas mal d'aspects. Une défaite au final. Et ce qui nous amène à ce match 6. Match 6, retour à Détroit. Bravo à Détroit d'avoir repoussé la série en 6. Encore une fois, belle ambiance en tout cas du public du Michigan. Qui avaient envie non seulement de se donner l'occasion d'un match 7, mais aussi de gagner un match de playoff chez eux. Ça n'est pas arrivé depuis 2008, hein, ça commence à remonter. Bon, en même temps, on sait aussi les difficultés qu'ont eu les Pistons ces dernières saisons pour pouvoir, un, gagner des matchs, deux, accrocher les playoffs. Donc voilà, ce ne sera pas pour eux cette saison de gagner sur leur parquet, peut-être la saison prochaine, on verra, chaque chose en son temps. Et là, oui, on a eu des Knicks bah, qui ont joué un match un petit peu inhabituel, notamment le troisième quart-temps qui, pour une fois, était à l'avantage des Knicks. Pendant tous les cinq premiers matchs, c'est à chaque fois les Pistons qui s'étaient imposés dans le troisième quart-temps. Là où sur les autres, c'était peut-être un petit peu plus équilibré, il y avait vraiment un match à sens unique dans la série sur les troisième quarts. Et là, bah voilà, les Knicks ont gagné ce troisième quart à Détroit. Gagner un troisième quart, c'est bien, mais un match, ça dure au moins 48 minutes. Et on l'a vu, ça s'est encore une fois dessiné dans les derniers instants. Brunson, comment on peut qualifier ce match 6 de Jalen Brunson? Là où il était passé à un côté, là où on avait pu craindre pour sa cheville, encore, bah, il nous a rassuré vis-à-vis de l'état de sa cheville. Il nous a rassuré aussi sur le fait que bah, quand il veut marquer des paniers, il arrive à trouver des solutions. Et il l'a fait plutôt pas mal de fois sur cette rencontre, hein, 40 points pour finir cette série. Mais voilà, il avait décidé de prendre sa cape de héros. On a vu, revu et re-revu sous tous les angles ce dernier shoot, ce shoot à 4 secondes de la fin du temps réglementaire où il efface Ozar Thompson. Ozar Thompson qui avait fait un très beau match 5. Il terminait meilleur marqueur des Pistons. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui et notamment parce qu'il se retrouve du mauvais côté de l'image sur ce match 6. Mais ouais, moi j'ai envie de dire Jalen Brunson héroïque. Jalen Brunson qui a porté ses coéquipiers et qui a peut-être été secondé, non pas par Karl-Anthony Towns, mais par Mikal Bridges sur cette rencontre. C'est un peu la façon dont on pourrait résumer très grossièrement cette rencontre. Toi, tu avais d'autres éléments en tête sur ce match 6? Bah, comme je disais, donc le match 6, bah, tout est expliqué dans les quart-temps. Hein, le premier 37-23, le deuxième 38-22 en faveur de Détroit, le troisième 37-24 pour New York et le dernier 28-20 pour Détroit. Donc très serré, comme je disais, bah, ce match il est vraiment l'image de la série. Ouais, on a eu bah, un Towns. Plutôt rebond, plutôt défensif. foot. Six fautes dehors, mais derrière offensivement disparu. On a eu un Anunoby encore une fois qui a été bon, mais premier quart. Et ça, ça c'est pas un souci, mais c'est quand même quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que Oji, on le voit dans les deux premiers quarts et après il n'y est plus. En termes de production offensive, ouais. Est-ce après, qu'il en a... termes de production défensive, il... Ouais, mais est-ce qu'il a le cardio pour tenir la cadence? Parce que on lui demande beaucoup. Là, par exemple, sur ce match, il a joué 44 minutes. Donc, sur les 48. Donc, il a eu 4 minutes de repos. Bah, sachant qu'il doit s'enfader Cade. Il doit s'enfader tous les mecs en face. Et en plus de ça, il doit produire offensivement. Donc, pas évident pour lui. En tout cas, cette gestion. Au-delà de ça, il fait quand même un beau match d'un point de vue contenu. Mais il y a ce côté, effectivement, offensivement, il va exister sur un bout du match, ben parce et pas que... sur différents bouts du match. Ben parce qu'il... Ben parce qu'il... Je pense qu'il ne peut plus. On est quand même sur une intensité play-off rugueuse, très dure. 44 minutes, c'est pas anodin. Va t'enfader 44 minutes avec cette intensité-là. Tu vois, c'est pas basket loisir. Donc, on est sur du basket NBA de play-off. Donc, donc même si les mecs sont des athlètes... pas facile, je veux dire, c'est, tu vois, donc bon, ensuite, ben, Mikal, écoute, super match, quoi, il a su marquer des points quand il a fallu, il est allé chercher ses mid-range, qui maîtrise tant, et qui sont importants, qui arrivent des fois à stopper un momentum, ou tout simplement en lancer un. Donc bien, et puis il y a cette petite, parce qu'on parle beaucoup du gros 3 de JB, mais il y a cette claquette. Juste avant, c'est lui qui met la claquette égalisation. Voilà, donc tu as ce panier, donc je sais plus qui prend le shoot, mais je crois que c'est Jalen Brunson. C'est Brunson. Et puis lui surgit un peu de nulle part et met cette claquette qui fait toute la différence, qui égalise, hein, c'est la claquette de l'égalisation. Donc... Non, très très bon match de Mikal Bridges qui a fait son meilleur match de la série pour moi en termes de contenu, je parle complet, ouais, hein, ouais. Parce qu'en termes de scoring, je pense que peut-être je me demande s'il l'a pas fait mieux, mais en termes de contenu, je crois qu'il termine cette rencontre avec 25 points à 11 sur 16, donc en termes de pourcentage, on est plutôt très bon. 1 sur 4 à 3 points. Ouais, c'est que 1 sur 4, mais bon, il a pas abusé du 3, non, et il a été chercher ses mid-range. 11 sur 16 au shoot, c'est ouais, super. Parfait. Ouais, ouais. 4 rebonds, 3 passes, 1 faute. Donc voilà, on est peut-être un peu moins présent dans la défense, ou alors dans la défense un peu plus propre. Là où sur OG, on est sur 22 points, mais on a 4 sur 10 au shoot à 3 points. Il a à la fin plutôt loupé ses tirs longue distance. 5 rebonds et 4 fautes pour OG. Bon, voilà, le défenseur numéro 1 sur Cade, c'était OG. Donc, forcément, il a laissé un petit peu de fautes en route parce que Cade aussi est un joueur des plutôt, fautes un peu plutôt de façon généreuse par moment. Notamment, ouais, parfois. Eu, ouais. Notamment, il y a eu cette... faute flagrante qui lui a été sifflée alors qu'il est ceinturé par Schroeder et il se dégage c'est en ça où il y a eu ce quiproquo qui était assez marrant pendant ce match là c'est-à-dire que donc les arbitres vont voir si c'est une flagrante et Thibodeau donc lui va faire un challenge pour dire mais en même temps tiens regardez si c'est pas plutôt Schroeder qui fait la faute, ils disent que Schroeder a pas fait la faute alors qu'on le voit ceinturé. Bon, écoute, des fois, il voit des choses qu'on ne voit pas. C'est comme hier, quand je regardais le match Indiana-Cleveland. T'as un super contre de Mathurin, mais tu vois qu'il a la main gauche qui est posée sur le mec pendant qu'il fait le contre. Bon, il y a faute en bas du corps, mais bon, ça n'a pas été sifflé. Écoute. C'est pas ce qu'il a retenu. Des fois, c'est... Et puis, tu vas avoir des calls un peu dans ce même sens qui vont pas être sifflés. Bon. Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi qu'il arrive une série qui était engagée physiquement, il y avait du contact, il fallait pouvoir se sortir de cette série. Certains vont dire que les Knicks étaient favorisés par l'arbitrage, je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Il y a eu des erreurs des deux côtés en termes d'arbitrage. Sur ce match, pas sur ce match, Heureusement, il n'y a pas eu ce côté litigieux qu'on a pu avoir à l'issue du Game 4. Donc c'était un match qui était quand même plus joué à la régulière. Oui, il y a des coups de sifflet qu'on peut prendre par-ci, par-là, qu'on va dire, ah non, c'est abusé dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, j'ai trouvé cette rencontre plutôt globalement bien arbitrée. Et un match qui a dû se décider dans les derniers instants. Là où Mikal a mis la petite claquette, la petite touche pour égaliser après l'échec de Jibi. Jibi, sur cette dernière action, pourtant, Oscar Thompson, c'est un bon défenseur. Il a des longs segments, c'est un sophomore, donc voilà, il découvre la NBA aussi. Il va sûrement mûrir et vivre avec cette expérience. Et je pense que ce dernier shoot de Brunson sur sa tête va le hanter encore un petit moment, mais ça l'aidera à mûrir plus tard. Mais voilà, un bon défenseur qui prend un écart, mais royal quoi. On a vu des comparaisons de ce shoot avec. Avec le shoot de Michael Jordan sur Byron Russell. C'est Byron Russell. C'est Byron Russell, oui. Du jazz. Bon, dans un contexte complètement différent, on parle de finale NBA, on parle voilà, ouais. d'un tir pour un titre, pour un sixième titre. Bon, voilà, c'est un petit peu différent. Voilà, ouais. Légèrement, le contexte est différent. On va pas commencer à comparer Jalen Brunson avec Michael Jordan. Mais dans la façon dont le shoot est amené, dont le défenseur part et tout. Bon, là, il n'y avait pas de faute de Brunson. Il n'y avait pas de faute offensive de Brunson. Jordan, je sais pas s'il poussait pas un peu Byron Russell. Non, il a pas. Mais voilà, en tout cas, ouais, une action clutch. Il pouvait pas être plus clutch sur cette action. Il faut le faire, il faut oser prendre le 3 à ce moment-là. Il y avait encore un petit peu de temps et en plus, voilà, les deux équipes étaient à égalité, donc au pire, on partait en overtime. Est-ce que Brunson shoot un peu trop vite? Il reste 4 secondes. Ça laissait encore l'opportunité derrière. Mais parce qu'on parle de ce shoot, il y a une occasion derrière. Thompson, il part, il glisse, il fait un écart. Mais c'est pas un petit écart. Il l'a envoyé limite en court side. Il le crosse de ouf. Il reprend dans l'axe du panier. Il aurait très bien pu louper son 3. Il est ouvert de ouf. Il pouvait aussi repartir un peu en mode drive, un petit flotteur comme il en a l'habitude. Et pourquoi pas chercher une faute? Non, il prend l'option à 3, bien lui en a pris, et son 3, après, il peut le célébrer, et c'est formidable. Donc c'est vrai que terminer, d'un point de vue Knicks, la série de la sorte, en termes de storytelling... En fait, c'est, comme dirait certains, c'est Sobrunson, quoi. C'est tellement Jalen, en fait, c'est... Et puis le contexte aussi, là où il se loupe un peu sur le match d'avant. Il y a tout lui dans cette action. Non, c'est formidable, formidable. Et puis voilà, un joueur clutch qui termine sur une action clutch dans un environnement hostile. On se rappelle les F. Brunson qui lui ont été chantés à tout bout de champ sur cette série. Alors il a été pris en grippe un peu par le public parce qu'ils ont essayé de le viser, essayé de le déstabiliser. Et on voit un peu le mental du joueur dans le métal dans lequel il est fait, ce Jalen Brunson, il a pas peur, il va pas se cacher, il va prendre ses responsabilités, et c'est lui qui a fait gagner la série sur ce match-là. Donc on a eu sur cette série accroché un Brunson héroïque qui a porté les Knicks, en dehors du match 5, finalement, où il passe à côté, où il est sur son plus faible niveau de scoring, et c'est dommage parce qu'on fait des comparaisons avec Michael Jordan, notamment sur sa dernière action. Il était sur des bases de comparaison de Jordan vis-à-vis d'un début de playoff à des matchs à plus de 30 points. Il avait fait 4 matchs à 30 points, on était exactement dans la comparaison d'un certain Michael Jordan. Bon, bah, le match 5, il n'a pas pu faire le cinquième match à 30 points, il n'a pas pu qualifier les Knicks. C'est un sac, à match 5. C'est un sac que Michael Jordan est Michael Jordan. Ouais, il est légèrement devant Jalen Brunson, encore pour l'instant. mais en tout cas, voilà, c'est aussi une façon de kiffer le joueur qui est Jalen Brunson. C'est le patron de l'équipe. Il était question à un moment donné par certains observateurs américains de se dire, ouais, est-ce que Kate Cunningham, ça serait pas le meilleur joueur de la série? Bon, bah Brunson, il a montré très clairement qu'il était encore le meilleur joueur de cette série sur ce premier tour. Onyx, il n'y a aucune contestation possible sur le caractère de leader de Brunson. Oui, peut-être parfois on aimerait un peu plus de passes, on aimerait qu'il joue un peu plus avec ses coéquipiers, mais en même temps, on sait aussi qu'il adore ces moments-là, qu'il adore prendre ses responsabilités dans le quatrième quart-temps. Et en plus, il le fait avec réussite, puisqu'il est aujourd'hui le joueur qui a le plus scoré dans le quatrième quart-temps de la NBA ou des playoffs même, en tout cas. Donc voilà, c'est un joueur qui sait les qualités qu'il a et qui lui permettent d'aller chercher ses points. Eh bien, heureusement qu'on les avait parce qu'il en fallait ces petits points d'écart Surtout pour qu'en passer plus, ces Pistons. enfin, si tu ramènes ça à son gabarit, c'est d'autant plus incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mec qui mesure 2,3 m, Ouais, avec. qui domine de par son physique, ouais, c'est C'est ça, ça, c'est là on est quand sa même sur. technique. C'est ça, on est quand même sur un gabarit. Il mesure quoi? 1,88 m? Non, peut-être. 88, ouais, Ouais, un petit peu plus grand. mais il prend ce qu'il est. Avec c'est plus du sang-froid qui coule dans ses veines, mais c'est du liquide de refroidissement, quoi. Du liquide de clim. Le mec, ouais, du fréon. Mais le mec est incroyable parce que bah, on l'avait déjà vu, notamment sur des séries il y a 2 ans contre les Miami Heat. Il avait été incroyable. Même Spoelstra avait dit à la fin, on peut lui faire une prise à deux, à trois, il va quand même trouver des solutions et tout. Et ouais, il est forgé dans un métal différent des autres. C'est pour ça aussi que c'est le leader des Knicks, que c'est le capitaine. Peut-être pas le plus vocal, mais en tout cas, par l'exemple. Et ben, tu disais, Jalen Brunson, depuis quand, en fait, on n'a pas eu un joueur pareil, en fait, tu vois, Ouais, on c'est. peut se poser des questions. Là où on parle parfois de oui, est-ce que Carmelo Anthony devrait voir son maillot retiré, patati patata, un débat qui est relativement interminable Mais alors, Jalen et je ne Brunson, sais c'est pas quoi? s'il aura il aura une conclusion, mais en tout cas, avant de parler aussi d'un retrait de maillot de Brunson, on va lui laisser terminer sa carrière et on espère qu'elle sera victorieuse et qu'elle durera le plus longtemps possible aux Knicks. Mais déjà, avec ces quelques faits d'armes en playoff, ben voilà, on a des occasions, on a des moments en tout cas qui vont marquer la legacy de Brunson, la Ah, legacy et mythique. l'histoire de Brunson aux Knicks. Et ce shoot à 3, et ben voilà, c'est peut-être qu'un premier tour, c'est peut-être que ces jeunes Pistons, c'est peut-être que Ausar Thompson en face, mais ça va être des moments qui vont marquer en tout cas d'un saut assez doré, assez important, assez majeur la carrière de Brunson. Il a déjà performé en playoff à Dallas, il a déjà performé en playoff avec New York, il continue en tout cas D'ailleurs, à nous épater. j'ai bien aimé la conférence de presse parce que tu avais Mikal Bridges forcément et Jalen Brunson ensemble. Et à un moment donné, en fait, Jalen Brunson, il a glissé une petite pique à Mikal Bridges. Je crois que c'est quand Dallas avait sorti Phoenix, il les avait sortis en 7. Ils avaient fait un match, Doncic, il avait été incroyable. Il les avait sortis en 7. Et il lui met un petit pic en disant, ouais, je crois que tu parles de ce match-là, je suis désolé encore. Enfin bref, c'est assez marrant, quoi. Donc voilà, les titres étaient très élogieux à l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette série, à juste titre, hein, tout simplement, hein, parce que Brunson, il aura répondu présent, et malgré la défense qui a pu lui être opposée, parce que c'est pas comme si il y avait un mismatch complètement favorable pour Brunson, on l'a dit, il domine pas par ses qualités physiques en tant que joueur hyper grand, hyper tanké, hyper skillé physiquement. Moi, il me fait penser d'une certaine façon, et dans un registre aussi différent, parce que peut-être plus de rapidité, plus d'accès au cercle, à un certain Allen Iverson, un joueur petit, mais qui emmenait son équipe. Alors là, on a peut-être plus de talent dans l'effectif que l'équipe des Sixers qui avait été en finale en 2001, je crois, c'est Ah, 2001. oui, c'est ce que je vais te dire, parce que quand tu regardes quand même l'effectif des Ouais. Sixers de 2001, Les George Lynch, les. qui Les il amène, McCla. qui Iverson amène avec lui en finale NBA, c'est assez, c'est une prouesse Ouais. assez improbable. Hein. Là, Iverson, je crois que c'était vraiment la quintessence à ce moment-là. Le type Le nom était. le plus connu, c'était Mutombo. Rest in Ouais. peace, Dikembe Mutombo. Mais voilà, en tout cas, on n'était pas sur. Un Je crois qu'il y effectif avait de de l'Eric. super team ou de Eric Snow peut-être, ouais voilà Eric Snow, bref. ouais. Ouais. Mais en tout cas on a un petit peu Larry ce Hughes aussi, peut-être. on a un petit peu de ce côté-là dans Brunson, ce petit joueur que les défenses n'arrivent pas vraiment à stopper. Et là ça s'est relayé avec du Schroeder, avec du Cade par moment, avec Du Ausar du Thompson. Ausar Thompson, Ausar Thompson Avec qui du est un Beasley, joueur enfin. Ça lui a envoyé du lourd, hein, ça. Ils s'y sont tous passés et Brunson arrive à trouver des solutions. Non, On mais. pense à ce shoot à 3 points, mais il y a aussi un moment, une séquence où il va s'enfermer ligne de fond avec, je crois, Schroeder sur le dos. Il est limite en déséquilibre, à se casser la figure sur le dos et il repart et il va mettre un panier sous le cercle. Ouais, Je te dis, mais comment est-ce qu'il fait, quoi? Comment est-ce qu'il fait, quoi? C'est dans le quatrième, c'est dans le quatrième là quand Ouais, il dans le part. quatrième, ouais. Un peu avant justement ce shoot qui est désormais légendaire. Bon, on a beaucoup parlé des Pistons. Bravo à eux en tout cas, ils nous auront Mais donné une belle écoute, série à cocher. pour eux maintenant, parce que je lis beaucoup de choses, et pour eux maintenant, le plus dur commence. Hein, le plus dur Faut commence, confirmer, ouais. c'est la confirmation. J'ai toujours en tête ces exemples récents d'équipes qui sont pas arrivées en fait à passer ce cap-là. On a par exemple Atlanta qui nous avait tapé en 2020 et qui vont en finale de conférence, mais qui après par la suite ont tout doucement disparu. On a les Sacramento Kings qui ont fait pareil, hein, il y a 2-3 ans, qui sont arrivés en playoff, sweepés par Golden State et qui derrière n'ont pas confirmé et ont disparu. Donc ouais, le plus dur commence pour eux. Ils ont une jeune équipe, ils ont une bonne équipe. Ils vont avoir des choix et c'est cet été-là le plus important pour eux parce que l'année prochaine, ça sera plus l'équipe surprise, un peu, ils seront attendus l'année prochaine. Ça sera, ah tiens, tu vas jouer à Détroit et ce sera pas la même. Donc cet été pour eux va être le plus important. À voir la suite qu'ils auront, mais voilà, ça peut s'annoncer prometteur. Il y aura aussi quelques vétérans sur lesquels des choix seront à faire. Est-ce qu'ils vont prolonger ou pas? Est-ce qu'ils iront chercher l'argent ailleurs? Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. C'est une saison réussie en tout cas pour les Pistons. Bravo à eux. Est-ce que c'était l'adversaire du premier tour le plus compliqué dans la conférence Est? On peut se poser la question. Alors, en tout cas, ils ont accroché les Knicks. C'était clairement un pour la gratter. On Le se plus souvient. le plus compliqué, c'est-à-dire, parce que sinon c'est les Cavs le plus compliqué ou Boston. En fait, par rapport, oui, mais par rapport à une affiche de premier tour, est-ce que finalement Détroit c'était plus dur que Miami? Est-ce que Détroit c'était plus dur que Orlando? Est-ce que Détroit c'était plus dur que Milwaukee? Je pense Ah. qu'avec Orlando, je pense qu'il y a bataille. Ce sont deux projets pour moi que je trouve à peu près similaires. Orlando, rappelle-toi, hein, en début de saison, ils étaient sur une dynamique magnifique. Ils ont deux, Était trois un peu blessures qui coupé par les l'ont. blessures. Ouais. Ouais. Pour moi, au départ, en début de saison, Jamal Mosley, l'entraîneur de Orlando, fait partie des prétendants à être coach of the year parce que Orlando était vraiment très bon. D'ailleurs, il nous avait tapé assez facilement. Franchement, je sais pas. C'est assez homogène, en fait, j'ai envie de te dire. Miami était clairement plus bas. Milwaukee, fin de cycle, la blessure de Ouais, Lillard, tu l'as peut-être vu, ouais. Giannis qui a la tête ailleurs. On l'a vu errer dans les rues de New York, enfin errer, se balader plutôt, flâner dans les rues de New York avec la famille juste après l'élimination, tiens donc. Mais Mais. ouais, donc, ouais, et Miami, Milwaukee, peut-être, ouais, un cran en dessous. Mais après, derrière, je sais pas, franchement, Le je te dis, je Magic trouve. qui a réussi à prendre un match Ouais, je trouve aux ça assez homogène Celtics. après. Mais en tout cas, voilà, cette équipe avait rien à perdre de Détroit et ils ont mené la vie dure aux Knicks. Ça nous a pas forcément rassuré sur le caractère des Knicks sur certains aspects. On n'est clairement pas sur une équipe qui est dans la domination. Bon, Ben, ça on le savait. c'est Une ce que victoire je. au cinquième match aurait permis de se dire, ça y est, on a su finir le boulot avec la manière en s'imposant chez soi. Bah non. Parce Mais à que contrario, on a su gagner à l'extérieur. c'est ce que je disais, c'est pour moi les Knicks de cette mouture, c'est une compilation de De joueurs, de talent, talents, ouais. et en face, les Pistons, c'est une équipe. Et tu voyais Derrière un d'ailleurs beau leader qui est Cade Cunningham, et tu voyais qui d'ailleurs le distribue et tout, mais ouais. et tu voyais le jeu tu voyais le jeu d'équipe qu'il y avait, et nous ça se reposait quand même souvent sur telle individualité à tel Ouais. moment et moins fluide au niveau du jeu offensif. J'ai lu un commentaire, je sais plus sur quel réseau, si c'était sur X ou si c'était sur Facebook, mais qui disait, bah en fait quand on voit les Pistons jouer, on a un peu l'impression de revoir les Knicks au début, hein, il y a un peu plus tôt, voire peut-être la saison dernière. avec une équipe qui est peut-être plus dans la combativité, qui est plus dans le côté solidaire, qui a peut-être pas forcément autant de talent que les Knicks sur le papier, mais qui pour autant ne lâche rien. Et voilà, on avait un peu l'impression des fois de retrouver ces Knicks avec un effet de miroir un peu à l'ancienne avec ces Pistons. Bon, Tim Hardaway Junior est là pour faire le passage, même si lui, aux Knicks, ça n'a pas forcément été les meilleures années. Non. Mais voilà. Bah pour Et lui, puis si, hein. oui. Pour lui, si, hein. Pour lui, ça a été les meilleures années, hein. Financièrement, oui, il a mis la famille à l'abri, même si le papa était déjà à l'abri. Mais pour New York, Ah, c'était le pas salaud, là quoi. où Ah, le on va contrat. garder le plus gros souvenir de lui. Et puis, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est aussi une action, on va dire, qui a beaucoup circulé parce que Brunson met son dagger à 3 points. Mais derrière, les Pistons avaient l'occasion d'égaliser. Ça n'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et là aussi, c'est le métier qui rentre. On aurait pu s'attendre à ce que Ken Cunningham prenne ses responsabilités en tant que franchise player. Dans les derniers matchs, dans les derniers instants, qui doit faire gagner l'équipe? C'est les stars, c'est les joueurs, c'est les leaders. Là, il a voulu faire la passe. Mais Techniquement, il est enfin, d'un bien point de pris, vue hein. du jeu, Beasley, il est démarqué. Donc, Il est bien pris passer à un après. coéquipier démarqué, c'est une bonne idée. Mais la Il passe est qui bien. finit dans les tribunes, quoi, c'est dommage, quoi. Il est bien pris. Oui, bien Il ne défendu. parle pas grand-chose. Il faut mettre un 3. T'as pas le choix. Il Ouais. reste 4 secondes 2. Et Ça devait être le dernier temps mort possible, donc. la passe, c'est pas mauvaise, hein. Mais disons que là, à ce moment-là, l'ami Malik Beasley a eu les mains qui glissent. Celui qui se revendiquait comme étant le meilleur shooter du monde ou de la ligue, bon, ça fait tâche de faire une perte de balle là. Ça faisait penser un petit peu à la fin de série Bucks Pacers où Gary Trent a le ballon qui lui glisse entre les pattes aussi. Bon, c'est frustrant, rageant pour eux de se dire mince, on avait une occasion, on n'a même pas pu shooter. Dommage. Est-ce qu'à l'avenir, si la situation se représente, Cade, il prend sa responsabilité, il cherche pas les coéquipiers, il va marquer. Voilà. C'est peut-être aussi l'inexpérience à ce stade de la compétition qui a pu jouer le choix du coéquipier démarqué versus je prends ma responsabilité, j'assumerai l'échec. Beasley s'en voulait, forcément. Il perd le ballon à un moment où il faut absolument pas le perdre. S'il l'avait eu, il aurait dégainé. Qu'est-ce que ça aurait donné? On ne sait pas. Un what if. Mais voilà, cette série se termine. Et comme chaque semaine de rétrospective, on doit décerner le prix d'un joueur de la semaine. Qui on va bien pouvoir prendre sur cette semaine-là? C'est vraiment compliqué. Hein. Eh ben non, vous l'avez entendu, on l'a encensé et il a tout pour. Hein. S'il y a un joueur à retenir sur cette semaine. C'est Jalen Brunson, quoi. Jalen Brunson qui qualifie les Knicks, qui a porté les Knicks. Meilleur scoreur des Knicks sur la série. Il a augmenté son niveau de scoring par rapport à la régulière. Il y a peut-être que ce match 5, hein, qui est un petit peu. Il passe un petit peu à côté. Et encore, il y a quand même des points. Mais voilà. Brunson, homme des Knicks, homme de la série, homme de la semaine, homme de la saison peut-être, homme des playoffs, on verra. Mais c'est un choix Homme qui de est la très décennie. évident, quoi. Ouais, homme de l'année, ouais, est-ce qu'il pourrait être. Maire de New York. Hey, il y a eu un panneau de Nike Oui. qui voudrait le lancer comme candidat. On va le laisser dans le sport, on verra pour la politique un petit peu plus tard. Mais par contre, Melo, si tu veux être candidat à la mairie de New York, vu que tu reviens comme commentateur et que tu te lances dans le business du CBD et compagnie, pourquoi pas, je sais pas. Bon, bref, voilà. Jalen Brunson, c'était la une du Daily News. Merci, merci. Merci, me. Oui. On peut que lui dire merci sur cette série parce qu'on ne sait pas dans quel état on aurait retrouvé les Knicks sans un Brunson. On ne sait pas où seraient les Knicks en 2025 si ils n'avaient pas décidé de rejoindre New York en tant que free agent. Merci, merci, Jalen. Et puis, on va voir très vite ce qui se projette pour la suite. Est-ce qu'on va encore lui dire merci? Mais sur cette série, je pense qu'on a fait le tour. À part si tu veux revenir sur un dernier point. Non, non, non. Non. On C'était une a belle juste. série. C'était une belle série. Ouais, c'est une belle série, mais je veux dire, On aurait préféré la vivre plus sereinement. qui va pas, voilà, qui va faire, par contre, qui va faire plaisir à mon cardiologue, quoi. C'est ce genre de série. Tu ressors là-bas, tu vas le voir, tu dis voilà, ça va pas. Il écoute, il te dit qu'est-ce qui se passe. Tu lui dis je suis pas à l'Enix. Il te dit je comprends. Et puis. Tu as vu la vidéo du fan qui suivait ce match dans l'avion? Oui! Mais c'est incroyable ça! Attends. Où le mec il vit le match, le shoot au buzzer, mais il ne peut Ah. rien dire. Il l'a vécu en mode muet, en mode mute. Tu sais, quand tu es à la maison, moi j'ai deux petits qui dorment à côté, tu regardes le match, tu vas pas te mettre à hurler, il est 3h30 du mat, il y a ce Alors, on a un bel 3. arrêt sur image nous concernant là, mais Mais tu peux mais c'est pas. pas Tu peux pas. Ouais, bah là, en plus, lui, tu peux pas crier exulté. mais dans l'avion, c'est quand même extraordinaire hein, d'arriver à voir le match comme ça. Ils sont fous ces Américains quoi. Ils ont vraiment un temps d'avance sur nous. Hein. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Allez, on perd pas plus de temps, on essaie de débloquer les caméras. Si vous voulez faire des screens et tout, c'est le moment. Hein. Et puis on regarde tout de suite ce qui se présente au Knicks parce que c'était bien les Pistons. Là, on va un petit peu monter en adversité. Allez, on regarde ce qui se présente au Knicks cette semaine. Alors qu'on n'a toujours pas défigé nos caméras, mais alors ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que... Si, oui, non, c'est parti, allez. Et ben voilà, qu'est-ce qui se présente au Knicks? Un second tour, et donc tout de suite, un petit point sur les braquettes. Et oui, je ne sais pas si vous êtes encore en course pour gagner le gros prix de la NBA, ou de Oh, Trash Talk, ou de je ne sais qui. moi c'est fini, moi, hein, depuis longtemps. J'avais un peu visé sur les Lakers, moi, côté ouest, et ben voilà, on oubliera tout ça, hein. T'as beau avoir Luka et LeBron, et ben ça permet de pas passer un tour face à Julius Randle. Voilà, ça c'est dit, c'est facile, c'est gratuit. Il a été bon, le Julius. Et Il a été bon. Dompté, et Dompté. Et Non, mais oui. Dante, on savait. Dante, l'année dernière, il nous avait fait sortir une série incroyable. Et puis, rappelle-toi, le dernier match contre les Pacers, c'est lui qui fait un match de fou. En même temps, il n'y a plus. Il n'y avait plus personne, quoi. Il avait la main chaude. Mais l'année dernière, mais Julius, c'est vrai qu'il était assez décrié pour comment dire, prestations en playoff. Et là, faut déjà, là, c'est la série contre les Lakers, il a été bon, quoi. Hein. Il a été Ouais, bon. c'est bizarre, c'est bizarre. Je voyais beaucoup de bashing sur Julius la saison dernière, même la saison d'avant, même encore la saison d'avant. Là, on n'entend plus trop parler. Début de saison, si les gens se disaient, ouais. Ouais, il Il allait est de rester. passage, d'ici la deadline, il va sauter. C'est qu'un move financier. Ce mec, il est nul au basket, en gros, hein, pour faire court. Bah, finalement, playoff, il est toujours là. Et pour l'instant, il a fait une belle série. Alors, oui, peut-être que l'adversité dans la raquette des Lakers, c'était pas au niveau de ce qu'on pouvait espérer. Et il en a profité. Mais voilà, à voir jusqu'où Attention. vont les playoffs pour le. Attention, parce que là maintenant il va affronter les Warriors, ils ont pas non plus une très grosse raquette. Hein. Non, mais il y a un Draymond Green qui est capable de faire n'importe quoi. Donc, à voir, Julius étant un petit peu émotionnel. D'ailleurs, Draymond Green qui retrouve Rudy Gobert, ça aussi, ça va être sympa. Je pense que Draymond Green il va se focus sur Rudy Gobert, quoi. Est-ce que ça va Ouais, partir en ouais, ouais. bagarre, en fight? Bon, bref. On verra. En plus, un petit Jimmy Butler là-dedans. Ça pourrait être un peu tendu, tout ça. Bon, ça, c'est pour la conférence Ouest. On fait un petit tour rapidement vers eux, histoire de savoir qui on pourrait rencontrer en juin, si par bonne aventure on poussait jusqu'à affronter une équipe de l'Ouest. Et puis de l'autre côté, donc ça sera une demi-finale de la conférence entre OKC et Denver. Et ben oui, les deux numéros 1 et 2 de la saison dernière qui vont se retrouver en playoff cette année. Pas la saison Ouais. dernière, ils n'avaient pas pu passer le second tour, et bien là, ça le sera. Ils vont se retrouver, donc Et le intéressant à voir un peu cette série. et le 2 et le 3 qui sautent côté ouest. Et oui, tout à fait. Le 2, Bonne les remarque. Rockets, le 2, les Rockets et les 3, les Lakers qui se font battre. Alors est-ce que c'est vraiment, comme disait Jacques Monclar, est-ce que c'est vraiment un upset quand tu as juste une victoire d'avance sur l'un ou sur l'autre? Alors oui. Ouais, la conférence était relativement serrée, quoi. À l'avantage du terrain, d'accord, mais après au niveau des pourcentages de victoire, c'était du kiff-kiff bourrico quoi. Donc t'étais Ouais, c'était relativement serré. ouais. Minnesota qui balaye hein, un gentleman sweep, Oui. les Lakers, il fallait le trouver ça hein, parce que ça a fini les autres en 4-3, 4-3, bon 4-0 Thunder Grizzlies, tu pouvais t'en douter. Mais un tel écart de niveau entre les Lakers et les Timberwolves, pas facile à décrypter ça. Ouais, c'est surprenant. À voir qui de ces deux équipes entre les Knicks et les Wolves ira le plus loin possible en playoff cette saison. Mais là où on pensait que les Wolves avaient un peu du retard à l'allumage, que ça cliquait peut-être pas forcément et tout, et ben voilà, ils se réveillent. Bon, face aux Warriors, il y aura une équipe avec de l'expérience aussi, du talent, donc affaire à suivre. Ça va être plutôt intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté déçu. Du pays. Et moi, je suis déçu pour les Clippers. Je les voyais mieux que ça. Je m'attends. Franchement, j'en avais fait des finalistes. En même temps, les Clippers, ils passent leur temps à décevoir. Hein. Voilà. Ça fait... Ouais, voilà, mais on va revenir à hein. C'est sur Clippers. Bon, comme à l'époque, c'est Sonics. Mais disons que j'en avais fait des favoris à l'Ouest pour arriver en finale NBA. Ils passent pas le 4-3 contre les Nuggets. Un peu déçu par eux, un peu déçu de ce match. Je m'étais levé esprit pour le regarder. Bon, ça a fini en raclée. Un peu déçu. Alors, pourtant, la série était bien, mais ce match 7, très décevant, quoi. Et match 7 aussi des Warriors qui s'imposent face aux Rockets. Voilà. Chez les Rockets, et ouais, c'est le métier qui rentre. Voilà, il y aura peut-être des Rockets, moves après, à l'été. Ah. Les Rockets, après, ils sont jeunes. C'est une jeune équipe. Les Clippers, t'as quand même du Harden, du Leonard, du Zubac, du Batum, Powell et tout. T'as quand même du mec qui a de l'expérience, quoi. Donc, deux équipes à Los Angeles, il n'y en a pas une qui passe le premier tour. Bon, en 7 et en 5 pour les Lakers. Et ben voilà, ils seront en vacances un petit peu plus vite du côté de la Cité des Anges. C'est ça. Et donc, en attendant, bah, là, ça s'est déjà lancé le second tour à l'Est. Le premier match dans la série entre les Cavs et les Pacers avait lieu cette nuit. Très beau match. Surprise sur le papier, on va dire. Les Pacers qui prennent la première manche à Cleveland. Bon, une équipe qui avait balayé le Heat, qui était peut-être un peu trop au repos. Des fois, il y a ce côté-là qui peut jouer. Manque de talent évident aussi au Heat. Donc, ils se sont fait bouffer. Non, je veux dire, la défaite des Cavs, ils étaient un peu en manque de compétition depuis un moment. Voilà, le repos, c'est bien, mais... Je sais pas, hein, parce que... Alors, ils ont manqué... J'ai pas vu cette rencontre. Alors, écoute, ils ont manqué d'adresse, clairement. Pourtant, ils sont restés dans le match. En face, les Pacers étaient en feu, notamment Andrew Nembhard. Très bon joueur, Andrew Nembhard. Cette paire-là, Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, c'est vraiment très bon hein, chez les Pacers. On l'avait vu l'année dernière. Donc, Nembhard shootait les yeux fermés sa rentrée. Tu rajoutes à ça une raquette Siakam avec Miles Turner, très bonne. Et Haliburton qui a quasiment pas perdu de match, qui finit en double-double, prend 18 points, 15, 12 passes, un truc comme ça. Enfin, un super match. Libéré de son père, il joue mieux. Mais non, et puis ça, la première mi-temps, ça manquait de défense, mais en même temps, il y avait une grosse adresse. Mais ça jouait à 10 000 à l'heure, c'était incroyable. Ouais. Et surtout, c'était un match, je pense, que Tom Thibodeau a pas dû apprécier parce qu'on a quasiment eu une rotation à 11 du côté des Pacers, tu te rends compte? Et en tout cas, 10, c'est sûr. Donc il a dû regarder ça, il a dû trembler, il a dû transpirer, il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Carlisle, il est fou. Non, après, comme tu dis, peut-être que les Cavaliers, un peu trop longtemps au repos, peut-être un peu manque d'adversité, peut-être qu'aussi ils ont peut-être sous-estimé cette équipe des Pacers qui est arrivée, et eux, leur seul objectif, c'est d'en prendre un des deux, hein, quand tu joues à l'extérieur, et puis ils ont une... Il faut le dire aussi, les Pacers sont une très belle équipe. Ce matin, un copain nous faisait remarquer sur une discussion que les Pacers, cette année, ils étaient en positif en termes de victoire sur les Cavaliers. Donc, ils ont des match-ups qu'ils connaissent, ils ont des systèmes qu'ils connaissent. Donc, attention, cette série peut être très animée, peut être pas mal. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Tant mieux, parce que des séries à base de 4-0 ou des blowouts, c'est pas ce qu'il y a de plus fun à regarder. Donc, en tout cas, voilà, les Cavaliers sont pris d'entrée de jeu chez eux. Alors, comment ils vont réagir? On ne doute pas qu'ils ont des capacités, qu'ils ont un effectif pour. Il y a quelques petits bobos aussi. Darius Garland, qui n'était pas au top ces derniers temps. Il devrait avoir aussi... Le Game 3, ils disent qu'il a un problème à l'orteil. Et il avait raté les matchs 3 et 4 contre Miami. Et là, il rate le match 1. Il devrait rater le match 2. et devrait retrouver l'équipe, à ce qu'il se dit, hein, au match 3 à Indiana. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Non, non, non, non. Faudra voir dans quelle disposition ils sont à ce moment-là. Et puis, bah, la série qu'on attend tous, on l'attend tous, et moi j'ai envie de dire, on l'attend même depuis l'année dernière. On aurait espéré, on aurait aimé la voir l'année dernière. C'est la série entre les Knicks et les Boston Celtics, le 2 contre le 3. On le connaît, le bilan en saison régulière, il est à l'avantage très net des Celtics. On sait aussi que les Celtics sont champions en titre. On sait qu'ils auront l'avantage du terrain. On sait qu'ils ont une des meilleures équipes, si ce n'est peut-être la meilleure équipe de l'Est, à voir. En termes de bilan, non, pas cette saison. En termes de talent, ça peut se discuter. En termes d'expérience, ils ont le vécu qui leur permet de se dire et de savoir comment être champion NBA. Ils l'ont été. Ils ont déjà joué des finales NBA à plusieurs reprises. Donc voilà. En tout cas, on sait que ça y est, le plat de résistance, le moment de vérité. Est-ce que les Knicks ont réussi à construire un effectif capable de rendre la vie un petit peu plus compliquée des Boston Celtics? À voir, est-ce qu'on est un effectif capable de battre les Boston Celtics? Ça, beaucoup peu vont s'y risquer à le dire, mais ça y est, c'est le moment test. Alors on aurait préféré plutôt retrouver ces Celtics en finale de conférence. Ah bah, la faute aux Cavs d'avoir pris cette première place, la faute aux Knicks de ne pas avoir réussi à gagner plus de matchs en régulière, mais c'est pas grave que cette série ait lieu finalement au second tour ou en finale de conf. Eh bien, c'est la série qu'on voulait voir. Ça va pas être gagné, ça va pas être cadeau. Est-ce que les Knicks vont profiter peut-être un effet aussi comme les Pacers ont pu l'avoir, d'aller prendre un match 1 d'une série à l'extérieur? On verra. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on va essayer de se projeter, de discuter sur cette série à venir, parce que voilà, ça va être la preview qui va nous occuper pendant 2 semaines de cette série. Il y a des oppositions en match-up direct, il y a des systèmes, il y a tout un tas de choses qui peuvent être discutées lorsqu'on parle de Boston et lorsqu'on parle de New York. On va lancer un petit peu en attendant, voilà, en complément, les images des matchs de saison régulière. Bon, vous le savez, un bilan de 0 victoire pour 4 défaites face à New York, face à Boston. On se rappelle bien évidemment du match d'ouverture, le match de la remise des bagues, où les Knicks avaient pris l'eau d'entrée de jeu. Hein, un match qui a été très vite à oublier, mais qui a fait mal d'entrée de jeu dans la tête, dans les esprits. Ça, c'était un match en octobre. Il a fallu attendre après février, c'était février le match avant de rejouer. Voilà, c'était le match d'octobre où tu prends une avalanche, 29-3 points. Tu te fais exploser durant ce match de 132 à 109. En plus, c'était. Il avait été dur à digérer d'entrée de jeu parce que voilà, on avait une certaine hype, attention, une attente par rapport aux Knicks. Ah ouais. Bon, on a construit un effectif. Éclaté. Tu te fais éclater. D'entrée, c'était un blowout bien sévère qui a rendu les fesses rouges, comme diraient certains. D'entrée de jeu, bon, ça faisait mauvaise. Ça faisait un peu tâche, mais en même temps, bon, on s'était dit, c'est un match 1, les Knicks n'étaient pas prêts, on verra un peu plus tard dans la saison. On a vu plus tard dans la saison que les Knicks n'étaient pas beaucoup plus prêts. Non. Même si, il y a eu du mieux, quand même. Sur le match 1, tu as des éléments particuliers sur lesquels tu veux qu'on revienne ou pas spécialement? Bah, sur le match 1, bah, je pense que ça va être une constante. Tu as un Jason Tatum qui finit avec 37 points, 8 rebonds. Donc, 37 points et 8 à 3 points, pardon. Ça va être un nom qu'on va souvent répéter. Tant cette personne aime bien salir les New York Knicks. Donc non, tu as tout dit. Tu as un game 1, où on se fait éclater 132-109. Towns n'avait pas pesé beaucoup, hein, avec 12,7 rebonds. Ouais. Ça aussi, c'était un problème. C'est un problème sur pas mal de rencontres face aux Celtics, Ouais. Car Anthony Towns a été planqué. Je vous ferai le point un peu des différents résultats qu'ont eu notre 5 majeur face au Boston Celtics. Mais disons que Towns, bon, t'as 2 matchs où il a pas brillé, 2 matchs où il a brillé. Dans les deux matchs où il a pas brillé, bizarrement, c'est là où on prend des blowouts. Le game 2, donc du 8 février, bah, tu le perds là encore, hein, 131-104. Donc 132-109, 131-104. Bon, et là, cette fois-ci, tu te fais salir à la maison. Ouais. et ça c'est moche. C'était plus tard, c'était au mois de février, c'est ça? Oui, c'était le 8 février. C'était le 8 février, t'as Brunson qui marque 40 points, mais bon, c'est... Autant sur ce premier match, la rencontre, elle arrive un peu trop tôt par rapport à l'état de forme, le jeu, tout ça, on pouvait éventuellement sortir cette carte d'excuses. Il manquait des joueurs, il manquait Precious, on n'avait pas Chamet, Mitch, bon, il arrivait beaucoup, beaucoup plus tard. Donc voilà, les Knicks n'étaient pas au complet, n'étaient pas prêts, c'était trop tôt. Au game 2, c'était au mois de février, on a eu le temps de retrouver. OG n'est pas là. Il n'y a pas OG, et on voit aussi l'importance d'OG. Alors, et on sait aussi qu'il est attendu pour cette série. On va en parler d'Oji. Mais on se prend le même tarif, en tout cas, sur le match 2, avec un peu de retour de... Alors, Chamet, je ne sais plus s'il jouait, mais on avait Precious, en tout cas, parce qu'on le voit un petit peu sur quelques souvenirs, flashbacks douloureux. Au match 3, on se dit, ça y est, on s'en est pris deux sévères, deux bleus out, on n'a pas existé, c'est ça le problème, c'est de ne pas exister. On peut perdre un match parce que c'est disputé, parce que c'est accroché, et puis parce que ça se joue sur certaines actions en fin de rencontre et sur certains détails. Sur le match 2, non, c'était le même tarif. Sur le match 3, ça se passe moins pire, mais on prend encore un tarif de quoi, moins 13, moins 15 ? Moins 13, ouais, 110. Alors c'est quelques semaines après, hein, puisque là, sur le match 3, c'est le 28 février. Donc, et là, tu perds 118-105. Avec OG. Alors, à noter, quelque chose d'assez improbable, c'est que durant ce match-là, le troisième quart-temps, on fait quand même une série de 23-5 et on revient à 4 points, alors qu'on se faisait éclater. On fait un 39-25, alors que d'entrée de jeu, on se prend un 19-38. Et tu reviens aussi une constante dans ces affiches face aux Celtics. On démarre très mal. Donc tu fais 23-5 et tu arrives à revenir. Bon, tu perds quand même, au final, hein, contre eux, parce que ils sont quand même devant. Mais cette fois-ci, tu as un Towns avec 24 points, 18 rebonds. Il est là. Ouais. Il est là. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Enfin. Il est là. Et tu avais donc un Brunson à 22 points et un Josh Hart en presque triple-double. Donc, c'était un match. Il y a une défaite, mais c'était la moins honteuse de celle qu'on avait pu avoir sur les trois premières rencontres. Ah ouais. Bah, disons qu'elle en prenait le chemin au départ. Ouais. Il y a eu une réaction au retour des vestiaires, ce qui est assez rare. Et on l'a vu face aux Pistons sur la série de playoffs au premier tour, les troisièmes cartons, ça a été très compliqué. Donc là, on va espérer que sur ces playoffs, il n'y ait pas de trou d'air côté Knicks et surtout pas au retour des vestiaires. Le facteur fatigue et tout, on peut l'entendre des fois en fin de match. Au retour des vestiaires, il y a une pause, machin. Bon, normalement, il y a encore un petit peu de jus, un peu d'essence dans le réservoir. Et puis le quatrième, c'était finalement le match le plus disputé. Et alors, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, c'est ce qui peut peut-être donner un petit peu de... Le plus récent. De confiance, c'est un grand mot, mais des signaux positifs, c'est de se dire qu'au fur et à mesure de cette série en régulière, les Knicks ont de moins en moins perdu. Et sur ce dernier match, ça a été jusqu'en prolongation. On se rappelle un petit peu du shoot de qui ? Jason Tatum. Sur qui ? Sur OG, qui fait pas faute et qui met un 3 qui égalise. Et puis après, prolongation et les Celtics s'imposent en prolongation. Alors, c'était un match où Jalen Brown n'était pas complètement en forme. Il avait joué un bout de match, mais pas complètement. Non, mais t'avais un Porzingis en feu qui nous a défoncé. Et il y avait un Porzingis qui était plutôt en réussite, capable de shooter du logo. Et quand on mesure 2m50, c'est un peu plus compliqué à défendre. Et sur ce quatrième match, là, on avait un effectif côté Knicks qui était vraiment au complet, avec également la présence de Mitchell Robinson. Sur ce quatrième match, tu les bats au rebond quand même, hein, 52 rebonds à 38, ce qui n'est pas rien. Tu marques 60 points dans la peinture contre 30, sauf qu'en fait, eux, que quand ils sont en feu à 3, et vu que les Knicks ne défendent pas la ligne à 3, que quand ils sont en feu à 3, compliqué d'arriver. Alors, ouais, ça laisse une marge de progression, ça laisse un goût où tu te dis, on n'est pas loin, on peut le faire, mais. 8 sur 13 à 3 points sur cette rencontre pour Porzingis. Ah ouais, non, mais Voilà, il avait été énorme. 34 points pour aller avec les 32 points de Tatum. Bon, ça devient compliqué quoi quand t'as deux joueurs à 30 points. Après, c'est voilà, tu te dis, on n'était pas loin. Moi, j'aurais préféré dire, on l'a fait, plutôt qu'on Ouais, est sur la plus loin. symbolique. Sur la Ouais. symbolique, surtout que ça finit en prolongation, ça se passe au Madison Square Garden, donc ça aurait été mieux. Est-ce que ça aurait changé globalement l'appréciation et le niveau de confiance à l'approche de ces playoffs? Est-ce que ça aurait changé complètement la narrative des Knicks Ouais, sur pour moi, cette ouais. saison de se dire, Enfin, on aurait dit on a gagné une fois, mais le ouais. bilan il aurait été très déséquilibré. Mais on a fait Là une on n'a seule pas fois. du tout gagné, Non. donc Non, non, non. Donc, c'est vrai que ben, tu finis la saison régulière en te faisant sweeper. Deux blowouts. Une défaite sûre. Une défaite en prolongue. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu le bilan d'une équipe sûre de sa force contre une. Non. Une équipe plutôt profonde en talent contre une moins. Une équipe préparée à gagner contre une un peu moins. Et une équipe qui connaît le chemin, qui connaît le chemin des finales NBA et une autre non. Et là, donc tu vas. Je pense que depuis l'ère Thibodeau, c'est l'adversité, en tout cas, Ouais. c'est le match le plus compliqué qui arrive à aborder Complètement, en complètement. playoff. On n'a Quand on jamais regarde les eu. séries qu'on a jouées, on a joué Atlanta. Bon, on se rappelle, le We Here, ça se termine comme Voilà. ça. C'était pas du tout la même équipe. Il n'y avait pas de Brunson. Voilà, donc on peut dire que c'est un cycle complètement différent. Depuis l'arrivée de Brunson, bah, on a eu des T'as bons eu. petits premiers tours. Hein. T'as eu. Cleveland, c'était pas évident, mais Cleveland n'était pas au niveau de maturité qu'ils sont aujourd'hui. T'as eu Cleveland Miami. Il y a eu Miami. Miami, c'était un peu l'équipe aussi surprise. Hein, ils sortaient du play-in. Ouais, bon. Miami en playoff avec à l'époque Butler, c'est toujours sérieux. Oui, Spoelstra Butler, c'est mais sérieux. ça reste. Et même s'ils vont en finale NBA cette année-là, ça reste quand même en dessous du niveau des Celtics aujourd'hui, quoi. Et la saison dernière, Indiana, on ne va rien dire sur Indiana, mais voilà, ils ont eu un concours de circonstances qui leur était favorable. Philadelphie, c'était pas le Philadelphie rayonnant. C'est le Philadelphie qui sort du play-in aussi, avec un Embiid qui est encore. Boiteux. Donc non, clairement, c'est l'adversaire le plus fort. C'est le champion en titre en plus. C'est l'adversaire le plus fort, le champion en titre. Ils auront l'avantage du terrain. Il y a tout pour faire des Celtics les favoris de cette série, bien évidemment. Tu peux faire difficilement plus compliqué. Bah non, à part OKC, mais ça joue dans une autre conférence. Donc Voilà. ça, de toute C'est pour façon, ça voilà. que. Je sais pas si on avait hérité de Cleveland au second tour. Est-ce que ça aurait été plus dur à jouer que Boston? On Boston, il y s'est a la fait confiance éclater. en Hein. On plus. s'est fait Il y a éclater hein, l'expérience. contre Cleveland aussi. Hein. En régulière, bien sûr, oui. Le bilan est tout aussi désastreux. Mais ce que je veux dire, c'est que là où il y a en plus un facteur qui joue à l'avantage de Boston, c'est l'expérience. Ils sont champions. Ils ont été plusieurs fois en finale. Ils savent comment gagner. Ils ont des talents individuels en la personne de Jason Tatum et de Jaylen Brown qui sont peut-être supérieurs aux plus forts des talents des Knicks. À voir. On pourra se poser la question de savoir quel est le joueur le plus fort de cette série avant le début de cette série, puis à la fin de cette série. Mais si on fait un petit peu la hiérarchie des talents, les Knicks sont peut-être pas forcément les joueurs les plus forts sur les match-ups, sur les oppositions, sur Ah les ouais, non, postes. non, les match-ups sont pas terribles du tout. Peut-être que éventuellement un Brunson, oui, on peut le dire qu'il est plus fort qu'un Jrue Holiday. En plus, on a un Jrue Holiday qui est un petit peu blessé ces derniers temps. Ouais, mais Donc ça pourrait jouer. disons que sur Jimmy, tu vas avoir et vont s'alterner Derrick White, Beaucoup de monde, Jrue Holiday, Jaylen Brown. ouais. On parle là, alors peut-être Tatum, mais je suis moins sûr, mais on parle là de défenseurs élites Ouais. qui vont sans faire offense aux défenseurs de Détroit, mais là on est quand même dans un range au-dessus quand on parle de Jrue On Holiday, monte d'un cran, on monte d'un Derrick cran, White clairement. et Jaylen Brown. Donc ça va pas être une sinécure pour Jalen Brunson. Il va falloir que les autres à côté soient au niveau, mais on peut se douter qu'OG Anunoby va avoir sur lui Tatum. Eh ben, Tatum, c'est plus mobile pour moi hein, qu'OG, hein, donc peut-être que c'est moins costaud, Plus talentueux mais. offensivement aussi. Enfin, Tatum, on n'aime pas le personnage qui, des fois, peut paraître un peu soft, un petit Ouais, mais peu alors, qu'est-ce qu'il est fort! bon élève, gendre idéal, quoi. Il fait lisse, il fait propre, il joue. C'est un beau joueur, en fait. Oh C'est là là! pas. C'est Ah dans mais l'image, en tout cas. En termes de charisme, il y a peut-être un déficit de charisme, mais ça, Ouais, bon, et on va pas. il va pas le gommer, voilà, ça va pas être Ouais. un. Et c'est pas nous qui allons commencer à faire quoi que ce soit sur le charisme, hein, parce que dans notre équipe, on peut pas non plus. Ouais, on a des Voilà. joueurs qui sont beaux à l'amical, mais qui du coup Voilà. manquent un peu de côté mordant. Ça, Donc. on a ce qu'il faut aussi à la maison, clairement. Non, non, Mais Tatum, c'est fort. Tatum, c'est très fort. Tatum doit et normalement est le meilleur joueur de la série. Ça là-dessus, Il peut je pense qu'on peut. marquer où il veut, quand il veut, sur qui il Il peut veut. défendre aussi. Il peut défendre aussi. On se rappelle, c'était il y a quoi? C'était il y a 4 ans, 5 ans, le contre mémorable qu'il avait mis sur. Je crois qu'il avait mis sur. C'était lui qui l'avait mis, je crois, sur Bam Sur LeBron? Adebayo, non? Non, non, le contre. Non, c'est Bam qui Non, c'est arrête un Bam qui le contre. contre. C'est Ouais, Bam c'est l'inverse. qui le contre. C'est Bam qui le contre. Ouais, c'est Bam qui le contre. Pardon, Du bout des doigts, quoi. je me trompe. Mais non, non, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Voilà, c'est compliqué C'est le de. meilleur marqueur des Celtics en playoff pour l'instant. Alors après, il a été un petit peu diminué sur un match parce qu'il est mal retombé sur un dunk. Donc il a loupé une rencontre et les Celtics n'ont pas eu besoin finalement de trop puiser dans leur effectif Mais pour. ça va, mais ça va. Après, il est là quand même. Il est Oui, là quand et même. puis, même s'il a mal à son poignet, comme JB a mal à sa cheville, ça ne l'empêche pas de terminer des scores. Voilà, terminer la série du premier tour à 31,3 points. Bon, c'est pas mal quoi. 36% à 3 points, 44% au shoot, sur un temps de jeu de 39 minutes. Bon, il a peut-être été gêné sur une rencontre, mais ça lui a pas empêché de performer sur le reste de la série, quoi. Non, non, non, non, non, non, il est fort, il est fort. Après, bon, si on doit faire un petit point de nos amis, donc les Knicks, qui s'en est le mieux sorti de ces quatre confrontations face aux En Boston régulière. Celtics en régulière? Alors, bah, écoute, sans surprise, on a Jalen Brunson, hein, qui a été le meilleur joueur de cette série de matchs. Il nous fait un premier match à 22 points, un rebond de passe. Un troisième match, pardon, à quasiment à 36 points, 5 passes. Ensuite, il nous fait 22 points, 3 rebonds, 4 passes. Et le dernier, 27 points, un rebond, 10 passes. Donc, il tourne en moyenne à 27 points de moyenne sur la série. Donc, on peut quand même se douter qu'il va faire ce même type de stats. Est-ce qu'il va les faire? Est-ce qu'il va rester à plus de 30 points par match? Compliqué, compliqué, parce que là, les temps de jeu se sont rallongés. Donc, il va avoir en plus des meilleurs défenseurs sur lui. Évidemment qu'il sera toujours clutch, évidemment qu'il sera toujours là, mais ça va quand Est-ce qu'il même. aura la même production? On peut s'attendre à une baisse de production. Voilà, le match à 40 points face à Détroit, très bien. Est-ce qu'il va passer des 40 points en playoff face aux Celtics? Bon, J'aimerais bien. J'adorerais. il a passé 36 points cette saison. Il a remis En 36 points régulière, en régulière. c'est. Voilà. En régulière, il y a Et peut-être un petit peu plus sur un de blowout. liberté. Et sur le deuxième match, c'est sur le gros blowout. Bon. Ensuite, on a Karl-Anthony Towns. Donc en régulière. Alors, quand on dit comme ça, les stats sur la série, 20 points, 12 rebonds, 1,5 Ouais, passes, ça a l'air correct. je dis c'est pas Quand tu mal. l'es dit comme ça. Après, bon, tu as les deux premiers matchs. 12 points, 7 rebonds, 3 passes et 9 points, 9 rebonds, une Ah passe. non, Pas terrible. Pas terrible du non, tout. non, non. Après, ça se réveille. 24 points, 18 rebonds et 34 points, 14 rebonds. Il a la match-up qui est favorable sur Porzingis au rebond. Porzingis, on le sait, c'est pas Ah un grand oui. rebondeur. C'est Ah pas un non, grand non. rebondeur. C'est pas un grand Non, mais là rebondeur. en playoff, il est quoi? Il est à moins de 5 rebonds par match. Ah, On mais... parle d'un poste 4-5 grand. Il mesure 2,20 m, il prend pas un rebond. Donc Ah, mais ouais. ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Alors, moi, je veux bien que Porzingis, il shoot le bien et de très loin, c'est sûr. Mais bon, un intérieur qui prend pas de rebond à cette taille-là, c'est qu'on l'utilise de façon atypique. Et c'est le cas. C'est le cas. Ben, il faut qu'il soit accompagné, tu vois, de Horford, ou il faut qu'il soit accompagné d'un autre mec, en fait, Mais parce qu'il lui n'a pas ce. Alors il va prendre quelques rebonds par-ci par-là, mais il n'a pas cette préoccupation. C'est pas son. Ouais, c'est pas son fer de lance. C'est Non, pas. C'est pas ça. C'est pas son job, quoi. C'est pas son job. ça l'a jamais été, hein. Même Qui est au Knicks, déjà du temps de New York, quoi, ouais. C'est en ça où Des fois, on me dit, oui, Porzingis, protection de cercle, tout ça. La protection de cercle, ça passe par les comptes, ça part par la dissuasion, parce qu'il est grand et on va dévier la trajectoire d'un attaquant parce qu'on se dit, il y a le défenseur. Mais il y a aussi, je sécurise les rebonds, offensifs comme défensifs. Et Porzingis, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce profil de joueur. Mais et si, bon, ça, on en parlera après dans les points importants, mais je veux dire, le rebond fera partie, je pense, d'une donnée importante. Même si on l'a vu dans la série face à Détroit, rares ont été les matchs où les Knicks se sont sortis vainqueurs de la bataille au rebond. Ça a été plus disputé. Et pour autant, les Knicks ont réussi à s'imposer. C'est une autre série, c'est une autre équipe, voilà. Mais la bataille des rebonds, du rebond, ça reste toujours un élément important. Mieux vaut gagner cette bataille au rebond, tant défensivement que offensivement, si on veut espérer se donner des chances de plus pour de gagner les rencontres. Et pour revenir donc au stat, le troisième larron de notre Big Three, hein, c'est OG Anunoby. Lequel? On est d'accord. On est d'accord. Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Enfin, on est d'accord. C'est moins évident. C'est moins évident. Écoute, en tout cas, OG, d'un point de vue stat, ouais. OG ne réussit pas contre Boston. Ça, OG, le premier match. C'est 4 points, 5 rebonds, 3 passes à 14% au tir. Le deuxième match, il ne le joue pas, il est blessé. Le troisième match, il fait 10 points, 2 rebonds, 2 passes, 28% au tir, 33 à 3 points. Et le dernier match, 13 points, 8 rebonds, 1 passe, 38% au tir, 0% à 3 points. Vous pouvez pas voir nos grimaces parce que voilà, aujourd'hui la vidéo elle veut pas nous faire montrer nos visages, on reste scotché depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Il est sur l'audio est là. Il est sur la série, il tourne à 9 points, 5 rebonds, 2 passes sur les 3 matchs qu'il a eu à jouer Boston. Alors c'est pas du bon OG offensivement parlant, et on sait que les Knicks auront besoin aussi de l'apport offensif. Et Tatum en face fait ce qu'il veut. Alors il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas tout le temps défendu non plus que par OG, ça alterne et ça switch beaucoup, on le sait. Mais oui, alors est-ce que c'est cette mission défensive, est-ce que cette pression défensive qui est mise sur ses épaules en étant normalement le chien de garde de Tatum qui lui fait un petit peu passer à côté de ses matchs? On le verra en tout cas en playoff comment ça va se passer. Il a du mal à exister des deux côtés. Sur toute une rencontre, OG. Et en même temps, on lui demande en gros d'être du Kawhi Leonard bis, quoi, en fait. C'est ça un peu qu'on attend de lui. Donc, comme je te dis, le mec, il joue entre 40 et 44 minutes. Là, c'est en play-off. On te demande et de défendre le plan d'un côté et de shooter de l'autre. Et d'apporter de la contribution. C'est pas. Je pense que même Jordan Prime, il aurait eu du mal, quoi. Donc, compliqué. Après, on peut s'attendre à avoir beaucoup de temps de jeu d'OG parce qu'il y aura beaucoup de temps de jeu de Tatum et qu'il aura un petit peu un côté miroir des minutes, quoi. Ouais, je pense qu'il va faire. Je pense que Thibodeau va faire comme pour Kate Cunningham, c'est-à-dire selon les minutes. Quand tu sors, tu peux éventuellement sortir. Voilà. Et quand tu rentres, je te remets dessus, quoi. Eh bien, écoute. Mikal. Alors, parce que troisième option, est-ce que c'est OG, est-ce que c'est Mikal? Mikal s'en sort mieux. Mikal s'en sort mieux. Sur le premier match, c'est du 16 points de passe. 53% au tir, 28% à 3. Bon. Le deuxième match, c'est 11 points, 3 rebonds de passe. C'est pas non plus. 33% au tir et 33% à 3 points. Le quatrième. Et les deux matchs suivants, il est quasiment sur les mêmes types de pourcentages et quasiment sur les mêmes types de trucs. C'est 14 points. Allez, sur le dernier match du 8 avril, 4 rebonds, 4 passes, ce qu'il n'avait pas fait au match du 23 février. Donc on est sur une moyenne en saison régulière de 14 points, 2 rebonds, 2 passes. C'est pas folichon. Bien, mais pas top. Hein. C'est la moyenne, quoi. Hein. C'est un petit 10 sur 20, quoi. Dis donc, je pense que lui, sa mission vont, je pense, se limiter soit à Jalen Brown, soit à Jrue ou Derrick White, selon qui sera sur le terrain à ce moment-là. Je pense qu'il aura sûrement en charge ces trois personnes-là. Quand il était en séquence défensive sur Tatum, c'était pas forcément les meilleurs passages pour. Non, il vaut mieux qu'il soit sur Brown. Moi, je pense que tu auras un 4 sur Porzingis, un OG Anunoby sur Tatum, un Brunson sur Derrick White et un Mikal Bridges sur Jalen Brown. Je pense que. Et Hart sur Holiday. Ouais, et je pense que les match-up défensifs seront ainsi, je pense. À voir si c'est pas Brunson sur Drew et Hart sur White. Mais bon, en tout cas, voilà, dans l'esprit, effectivement, Bah disons le que fion, la tête du serpent, je roule l'idée, Tatum, c'est pour OG, quoi. je roule l'idée, je le vois quand même avec une certaine faculté à driver et peut-être Hart est plus mobile pour pouvoir essayer de le stopper qu'un Jalen Brown avec un Derrick White peut-être plus lui en spot-up. Peut-être tu vois, tu peux peut-être mieux le cacher à ce moment-là, tu vois, en fait, tu vois, Brunson. Ça va être la difficulté d'Enix, ça va être de pouvoir défendre cette attaque des Celtics, parce que là on parle de deux équipes qui sont réputées pour leur attaque, même si en playoff bah, les Celtics n'ont pas eu de problème à faire tourner leur attaque, là au côté Enix ça a été plus compliqué. L'attaque des Celtics est meilleure que l'attaque d'Enix, la défense des Celtics est meilleure que la défense d'Enix. Bon, partant de ces constats-là, ça va être compliqué pour New York, on le sait. Et les match-ups, voilà, les solutions, elles vont être pas évidentes parce que côté Knicks, en gros, faut cacher deux joueurs faibles défensivement que sont Brunson et Karl-Anthony Towns. Alors bon, l'avantage, c'est que Karl-Anthony Towns, s'il a à défendre sur Porzingis, c'est plutôt au large. Et donc son côté rim protecteur, voilà, qui est un peu défaillant côté Karl-Anthony Towns. Pourrait être moins pénalisant que sur la série face aux Pistons, par exemple, où Jalen Duren, très mobile, va aller chercher ses points à l'intérieur, sous le cercle et dans la peinture. Donc, ouais, ça va pas être. Clairement, c'est pas une série cadeau. Est-ce que l'Enix, Et l'effectif tel qu'il a été construit en termes de starting five, parce que là, on parle que de starting five, après, on va peut-être aborder très rapidement, et puis quand c'est l'Enix, mais on aborde rapidement le banc, mais les match-ups sont pas évidents, quoi. je finis juste avec Josh Hart, qui est celui du starting five qui s'en sort le mieux, hein, derrière évidemment Kat et Jalen Brunson. Et Brunson, ouais. Lui finit quand même avec une moyenne en série de quasiment 15 points, 8 rebonds, 8 rebonds et demi, 5 passes et demi. Avec 50% de réussite au shoot. Bon, 11% à 3 points, hein, c'est pas terrible. Oui, mais ça. Voilà, donc sur les matchs, donc il fait du 12 points, 4 rebonds, 3 passes, 17 points, 8 rebonds, 3 passes. Et puis on finit sur les deux matchs qui sont les plus accrocheurs, avec du 20 points, 11 rebonds, 9 passes, et du 10 points, 11 rebonds, 7 passes, c'est-à-dire quasiment un triple-double à chaque fois. Donc, ouais, je pense qu'aussi les clés passeront par lui, hein, par son, de toute façon, par sa Bah, production. d'une certaine façon, on le connaît, ce côté couteau suisse va être encore utilisé plus que ce qu'il faut sur cette série. Et puis, pourquoi est-ce qu'il score plus? Bah, finalement, Boston laisse des opportunités à Hart parce qu'il est réputé comme mauvais shooter. Oui, c'est pas le meilleur shooter du starting five. Ceci dit, il est capable d'en mettre. Il est capable d'aller chercher des points aussi en coast to coast. Il est capable de scorer de différentes façons. Il est curieux de voir que finalement, dans les shooters des Knicks au premier tour, ben, le meilleur shooter, enfin le meilleur pourcentage de réussite, c'est pour Hart. 50% de réussite. Alors il n'en prend pas beaucoup, donc ceci explique sûrement cela. Il les prend aussi souvent ouverts, mais il a eu quelques moments de réussite à 3 points qui ont permis d'apporter un petit peu de contribution. Il n'est pas à douter il aura ses opportunités aussi face à Boston. Boston va essayer de couper la tête du serpent qui est Brunson en termes de production offensive, ou du moins de la limiter. Que Karl-Anthony Towns sera aussi bien défendu pour éviter qu'il parvienne des paniers au large. Mikal, OG, bon, la réussite, elle est plus fluctuante. Et donc, il faudra que Hart arrive à mettre ses paniers lorsqu'ils vont être ouverts, quoi. Mais il a la capacité de le faire, il a la capacité de produire, c'est aussi un joueur vaillant. Voilà, il saura apporter sa contribution. Est-ce que ça sera suffisant en tout cas pour faire déjouer les Celtics? Ça, c'est pas gagné. Et puis si on parle du banc, parce qu'on peut parler un petit peu du banc, côté Knicks, il n'y a pas grand nom à citer, mais il y aura Mitchell Robinson. Donc à voir si dans cette série il pourra exister et aussi en opposition à qui. Est-ce qu'il sera mis, est-ce que ses minutes seront calquées sur un Horford? Est-ce qu'il devra défendre plutôt sur un Porzingis au large? C'est pas forcément le genre de match-up qui iront dans son sens. Là où en face, le sixième homme réel et le sixième homme de l'année côté Pistons, c'est Pritchard. Pritchard, qui pourrait aussi faire parler la poudre avec ses tirs longue distance. Les Celtics ont beaucoup de tireurs, mais ils en ont aussi à 3 points en sortie de banc. Là où côté Knicks, c'est un petit peu compliqué. On a eu le Cameron Payne game sur le Game 1 qui a fait effet. Et puis après, c'est tout. Le Mitchell Robinson game sur le 6, peut-être. Ouais, on peut. Sur le 5, pardon. On peut dire ça aussi. Mais Miles McBride, il passe des playoffs plutôt compliqués. Alors, bon, c'est pas l'artisan premier des succès d'Enix. Mais en sortie de banc, tous ses pourcentages sont à la baisse. Son temps de jeu est à la baisse aussi. C'est pas forcément mieux saison régulière pour McBride, puisque, le premier match. C'est pas une grosse saison, mais ses pourcentages sont pas terribles. Le premier match de la saison, dans le blowout, bon, en même temps, il a eu beaucoup de temps de jeu. Ouais, c'est ça. Il finit avec 22 points contre Boston. Ouais. Mais ensuite, donc en 26 minutes, 22 points. Ensuite, par contre, ça se gâte. Le deuxième match, du 8 février, il finit en 35 minutes, il finit avec 8 points, un rebond, une passe. Et ensuite, les matchs suivants, le 23 février et le 8 avril, en 27 et 21 minutes, il finit avec 2 points et 5 points, ce qui est un peu dérisoire. Tu te dis peut-être qu'il y aura un Chamet à faire sortir, mais Chamet, c'est carrément pas forcément mieux. Voilà, c'est, à chaque fois, c'est du 6 points, 3 points, c'est pas terrible. Non, on a un banc qui... Est-ce qu'il y a des options sur le banc? On l'a peu évoqué sur la première, sur le premier tour. Precious Achiuwa n'a pas joué. Est-ce que sur cette opposition, il pourrait être une solution? J'ai du mal à voir. Surtout maintenant, on a quelques courtes séquences. On en a des séquences avec Karl Anthony Towns et Mitchell Robinson. Est-ce que là, ça pourrait être une option? Je t'explique pourquoi est-ce qu'il ne jouera pas. Parce que, il n'a pas été bon non plus. Il n'a pas été bon face aux Celtics non plus. Après, il n'a pas joué en playoff. Mais parce que lors du match 6, à un moment donné, donc, tu avais donc, deux intérieurs qui étaient qui étaient assez piégés par les fautes. Il ne l'a pas fait rentrer pour à un moment donné soulager et les faire rentrer en fin de match. Donc c'est en ça où je te dis qu'il jouera pas, plus. C'est trop probable, à part blessure, à part vraiment problème de faute qui coince vraiment. Mais t'es remplaçant pour le reste de la série, tu les as en la personne de Payne, McBride et Mitchell Robinson, t'auras pas plus. Alors eux non plus, tournent à une rotation à 8. Leurs remplaçants à eux sont Luke Kornet, Sam Hauser et Peyton Pritchard. Ce sont eux qui ont eu les gros temps de jeu sur toute la série. Alors par contre, ils n'ont pas les temps de jeu à 9 minutes façon Payne. Tu regardes par exemple sur les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, un Luke Kornet, il a fait 16 minutes, 23 minutes et 19 minutes. Donc, et puis tu vois, ils ont été accrochés, il a quand même joué sa quinzaine, vingtaine de minutes. Donc on est quand même sur... Après, il y a Drew qui a été blessé, qui a joué que deux matchs sur les 5 du premier tour. Donc ça a peut-être redonné un peu plus d'opportunités à Pritchard. Pritchard qui a pu faire ses 5 matchs, mais... Pritchard a eu pas mal de temps de jeu, 25 minutes. Par Pritchard, on parle du sixième homme de l'année. On est aussi sur un joueur qui a trouvé son rôle en sortie de banc, qui arrive à produire offensivement en sortie de banc, peut-être un peu moins en playoff, il est que à 9 points, là où en régulière, il était quoi, à 14, 15? Ouais. 14,3. Un Xavier Tillman a complètement disparu, un Torrey Craig. Craig, qu'on aurait aimé voir post-layout là. Et que beaucoup disaient, un Torrey Craig en playoff, tu vas voir du côté de... Ah, il a joué deux matchs, 3 minutes en moyenne. Bon, en gros, pas significatif quoi. C'est sur les blowouts notamment, sur le blowout 89-120, où t'as même Baylor Sherman. Sherman qui a joué 4 minutes. Bon. Tu sais, donc tu parlais, c'est une belle transition côté Boston. Qu'est-ce que ça dit côté Boston contre les Knicks cette saison? Bon, Jason Tatum, tu l'as dit, je pense, meilleur joueur de la série. Cette saison contre nous, c'est 33 points de moyenne, quasiment 7 rebonds, 7 passes. C'est très propre, avec des pourcentages de réussite excellents. Je veux dire, tu regardes le premier match Bon, voilà, il était en feu. Hein. Il finit à 72% à 3 points. Après, il n'est pas descendu en dessous des 45% à 3 points Ouais. contre nous. Et du 50% au Il tir. nous fait la chanson, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Il a fait 37 points, 40 points, 25 et 32 points. C'est trop facile pour lui. Tu pourras essayer de le freiner, mais tu ne pourras pas le stopper. Donc. Non. Après, c'est aussi souvent le cas pour les joueurs élites de la NBA. On va diminuer leur rendement, mais ils vont produire. Et plus les playoffs avancent, plus ils ont envie de se montrer. Ils ont du temps de jeu aussi. Hein, Tatum, il joue beaucoup aussi, mais bon, il est jamais là. T'as pas envie de l'avoir sur un money time, quoi. Bah, on l'a vu sur le match qui va en prolongation. Il arrive à effacer. Il se loupe au lancer, je crois, enfin, il se loupe. Puis après, il efface OG qui fait pas faute et il va chercher la prolongation. Il fait gagner il fait raccrocher les playoffs, l'overtime, pardon, aux Celtics et après il Non, s'impose dans le temps additionnel. il est très fort. Il est très fort. Cette saison, il a été très fort contre nous. Voilà. Ensuite, le deuxième gros joueur, c'est qui? C'est Jaylen Brown. Alors, Normalement, ouais. Jaylen Brown, c'est pas flamboyant. C'est moins ça, cette saison. Ouais, il a eu cette blessure donc du dernier match du 8 avril qui lui fait baisser sa moyenne hein, parce qu'il marque 6 points, 5 rebonds, une passe. Mais hormis ça, pour le premier match, ok, 23 points, 7 rebonds. Ensuite, le deuxième, pourtant sur un blowout, 12 points, 3 rebonds, 5 passes. Pas ouf, les pourcentages, pas terribles, 35% au tir, 33 à 3 points. Pas dingo. Le match du 23 février, accroché, là, il finit à 24 points, 8 rebonds, 2 passes. Donc, voilà, tu as eu un Jaylen Brown qui a soufflé un peu le chaud et le froid contre nous cette année. Ouais, comme tu l'as dit. Cette saison, c'est pas sa meilleure saison. Je pense pas que si les Boston Celtics aillent en finale NBA, ça soit lui cette fois-ci qui soit élu le Ouais, MVP. MVP. Parce que bah, je pense qu'un Tatum est clairement devant. Mais bon, ça reste quand même une menace. J'ai pas Oui. checké ses points en playoff, mais je pense que Bah, quand même. je peux te les donner, parce que enfin, j'ai sa moyenne en tout cas sous les yeux. Ouais. En playoff, on parle de playoff, on parle pas de saison régulière. Il y a eu 5 matchs de jouer, 35,8 minutes. Hein, donc voilà, ça reste toujours le deuxième scoreur, la deuxième menace offensive des Pistons, des Celtics, avec 23 points par soir. Il est à 49,4% au shoot et 44% à 3 points. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est plutôt propre. En termes de rebond, il a 7,6. D'ailleurs, petite fun fact, qui est le meilleur rebondeur des Celtics? C'est notre ami Jason Tatum. Qui est le joueur des playoffs qui a shooté le plus de lancers francs au premier tour des playoffs? Jason Tatum, avec 9,3 free throw Oh, c'est lancés beaucoup, francs par soir. Ouais, donc ça va être compliqué à défendre, hein, non? Non, ce mais fameux lui, Tatum. parce que je pense qu'il faut se focus sur les autres. Parce que lui, c'est vraiment, ça va être Bah, il va falloir essayer de le freiner son rendement, essayer de le couper des autres, peut-être lui taper sur son poignet douloureux. À voir en tout cas, mais oui, ça va être Tatum. On peut s'attendre à une grosse série de sa part. Il l'a fait en ouais, régulière. Il fait de bons playoffs. Mais Brown, voilà, quand même 23 points par soir. Et le troisième meilleur marqueur des Celtics en playoffs pour l'instant, c'est Derrick White avec 17,2 points. alors j'avais pas fait le Porzingis, j'avais pas fait le que focus 12. Ouais, j'avais pas fait le focus sur lui. Pour moi, j'avais fait le focus sur le dernier, donc Kristaps Porzingis. Bon, Kristaps Porzingis n'a pas joué les deux premiers matchs contre nous. Par contre, il a joué les deux suivants. Et les deux suivants, donc un pour se remettre en jambes, 15 points, 7 rebonds, 2 passes, 40% au tir, 22% à 3 points. Par contre, le dernier, celui-là, il avait été très fort, notamment au large. Il marquait comme il Chez nous en voulait. plus. Ouais, et puis Le c'était assez incroyable cette facilité de tir. bourricot. 34 points. Bourriquet. Et là, tu vois, mais finalement, là, c'est du Porzingis dans le texte. 34 points, 4 rebonds, 3 passes. Voilà, le mec a passé son temps au large. Donc, Mais bon. et en fait, donc, et à la fin, donc, tu parlais de bah, justement un peu ce facteur X hein, du côté des Boston Celtics, qui est Peyton Pritchard. Quid de Peyton Pritchard? Est-ce que ça va être le Peyton Pritchard de saison régulière? Eh bien écoute, contre les Knicks, il n'a pas trop réussi. Un match, ok. Il a fait un match où il a marqué 25 points. Le match 2 du 8 février, où il a eu des pourcentages assez incroyables, 69% au tir, 75 à 3 points. Mais après, Peyton Pritchard contre les Knicks, premier match, 3 points, 4 rebonds, 4 passes. Et troisième match, 3 points, 4 rebonds, 2 passes. Et le dernier, 8 points, 5 rebonds, 3 passes. Donc, c'est pas du standing d'un meilleur sixième, en tout cas, les prestations qu'il a fournies contre les Knicks cette année. Pour croire qu'on arrive bien à le défendre, sûrement. Peut-être qu'un Miles McBride mobile, hargneux. Ouais, petit, mobile, ouais. Parce qu'il faut bien se douter qu'il sera sûrement sur les mêmes minutes avec lui. Donc, bah, si tu arrives déjà à museler aussi Peyton Pritchard, bon, bah, c'est pas mal. Si tu arrives à museler un, c'est pas mal. Ouais, on aura du mal à tous les museler, ça c'est certain. Bon, en tout cas, voilà, on a parlé un petit peu de tous les éléments qui nous passent à la tête avant cette série. On a une équipe, on le sait, qui aime shooter à 3 points. On sait que les Knicks, c'est pas réputé pour bien défendre les 3 points. Est-ce que la clé de la série, elle va passer par là? Oui. La bataille à l'intérieur aussi, on l'a dit. Porzingis, ok, c'est un joueur assez atypique, qui sait bien shooter, qui est grand, qui dissuade, mais qui n'est pas non plus le plus gros preneur de rebond. Donc la bataille des rebonds, est-ce que ça va être une clé de la série? Est-ce que les Knicks peuvent gagner cette bataille au rebond avec Karl Anthony Towns qui arrive à prendre sa 10, 12, 15 rebonds par soir parfois, avec Josh Hart qui adore prendre des rebonds, avec aussi Mika Leoji qui s'y sont un peu plus mis en playoff face aux Pistons. Et Mitch en sortie, Et Mitch en sortie de banc. Pour venir un petit peu compléter tout ça, un des rares éléments qui peuvent nous porter à avoir un petit peu de confiance, un petit peu, hein, je ne parle pas non plus de se dire « Youhou, on va gagner la série », c'est de se dire qu'effectivement, plus les Knicks se sont retrouvés complets dans leur effectif, plus la saison a avancé, plus on a été un peu compétitif dans ces rencontres. Donc, à voir avec l'entraînement des Pistons, ce que ça va nous aider, quoi. Il faut les limiter à 3 points. Alors, tu vois, là, je vois Porzingis à 3 points. En playoff, là, il tourne à 12%. C'est nul. Ouais, il ne fait pas des super playoffs hein, pour l'instant. Mais attention, là, il joue les Knicks. Il va venir au Garden, il va se retrouver dans des endroits avec des repères et tout. Le problème de ce genre de joueur, c'est que si tu commences à leur donner la confiance à 3 points, le panier, d'un coup, il le voit comme l'océan. Et ça rentre en fermant les yeux. Il va falloir être rigoureux là-dessus. Parce que je veux bien qu'on puisse arriver à contrôler le rebond. Mais si tu commences à leur donner l'opportunité de marquer à 3, ouais, on peut se retrouver avec des blowouts. Mais vraiment. Voilà, ça peut aller très vite. Hein. Et on le sait, les Celtics usent et abusent du 3 points. Ce n'est pas forcément le jeu moi, que je préfère regarder. Mais force est de constater que c'est efficace. C'est ce qui leur a permis d'être champions. Ils ne vont pas changer de recette du jour au lendemain. Ils vont continuer. Et ils ont les joueurs pour, en plus. Mais... que ce soit dans le starting 5 comme sur le banc. Ils n'ont que des joueurs capables de shooter à 3 points. Le plus mauvais shooter à 3 points sur ces playoffs. Parce que la régulière, bon, ok. Si on regarde sur les playoffs, si on les classe... Bon, Torrey Craig, tout ça, on va oublier. Mais Peyton Pritchard, il en prend peut-être un peu moins, mais il a 50%. Brown, il a 44%. Hauser, il a 44%. Drew Holiday, à 42%. Horford, il a 41%. Tatum, un peu moins efficace, 36%. Derrick White est celui qui en prend le plus après Tatum. Il en prend quasiment 8%. Il a, ouais, il a 36%. 35-36. C'est Porzingis qui fait tâche, là. Ouais. Effectivement, on n'en a pas pris beaucoup. Il a 11%. Attention au réveil de la bête. Ou alors, peut-être qu'il cache quelques petits bobos. Ou alors, il a été bien défendu par... le Magic, et auquel cas ça serait peut-être des choses à regarder. Pour lequel je suis assez étonné, mais quelque part tout le monde dit ouais, de toute façon il va disparaître, mais que quand il a joué contre nous, il a toujours été solide. On va pas dire bon, mais solide. C'est Luke Cornett, qui quand il était chez nous, qui aurait pu dire que ça serait une rotation sûre des Boston Celtics tu vois, en 2025. Mais peut-être que le point faible, justement, de ces Celtics, s'il faut en trouver un, ça serait peut-être l'intérieur. Alors, Cornette, c'est un Porzingis du pauvre, hein, grand, blanc, long, peut-être pas trop de skills offensifs proches du panier, mais encore, Porzingis, il y en a un peu, mais capable de shooter aussi de loin, donc voilà, ça dépend, c'est un profil un petit peu similaire, en fait. Donc, il va falloir à nouveau nourrir la bête hein, à l'intérieur. Carl Anthony Towns. Et après, tu parles du chat, quoi. Eh ben, il va falloir, parce que, comme tu dis, alors Ford, ça commence à être quand même à être vieux, 38 ans. Je pense que ça commence à peser. Il fera ses bons passages. Il n'est pas total. C'est pas un PJ Tucker. À côté de ça, tu as un Porzingis et un Cornett qui sont plus flués. Alors, Porzingis, lui, il a quand même une bonne science du contre. Donc, attention, cependant. Mais il faut que Karl-Anthony Towns enfonce tout ça, quoi. faut Il faut aller leur faire provoquer des fautes, il faut leur donner la vie dure. C'est là peut-être qu'il y a une brèche. S'il faut trouver une faille dans l'armure des Celtics du champion, c'est peut-être là qu'il faut aller la chercher. Tatum, il va être aussi en capacité de défendre à l'intérieur. C'est un poste 4, 3-4, voilà, dans la NBA moderne. Mais il va falloir justement les user, il va falloir leur provoquer des fautes, il va falloir aller les faire jouer là où peut-être ils n'ont pas trop envie de jouer. Et là où les Knicks pourraient peut-être trouver une sorte de salut. C'est peut-être par là que la série pourrait aller en faveur des Knicks dans un secteur du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera tous nos matchs parce qu'on va jouer à l'intérieur et que les Knicks, et que les Celtics vont tout arroser à l'extérieur et que ça ne va pas partir comme il faut en termes d'adresse. Mais voilà, il y a peut-être une carte à jouer et qui fait un peu la différence entre la qualité de l'effectif Et qu'on puis peut après, avoir entre Celtics et Knicks. on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un coup de Mazzulla qui te lance un Nemias Keita, qui te lance, qui te donne des minutes d'un Torrey Craig, enfin, tu vois, on n'est pas à l'abri d'un ajustement de Mazzulla et avoir comment va y répondre notre coach quoi. Donc voilà, je suis Ouais, est-ce qu'il y a des options alternatives sur notre banc? Moi, j'ai été plutôt déçu de la première série de McBride. non mais McBride là. Après, on sait qu'il apporte défensivement. Est-ce que c'est plus de pain et en même temps plus de pain, ça veut dire moins de GB ou à côté de GB? Eh ben pourquoi Pain nous pas? a fait un bon game. Non mais tu sais, tu dis ça comme si c'était un gros mot. Mais regarde, Non, je me pose la question. tu Et ça va aussi dépendre des match-ups qu'on regardes aura à mettre en face, quoi. Détroit quand ils mettaient Cade Cunningham et Schroeder ensemble, ça jouait Oui. bien, ça jouait pas mal. Que quand on a fait au game 1 justement contre Détroit et qu'on fait donc ce plus 21, la C'est en paire partie. Enfin, c'est grâce à Payne. et C'est la grâce à Payne. Paire c'est Jalen Brunson Payne. Donc il peut y avoir des choses à faire de toute façon. Encore faut-il qu'elles soient faites et qu'elles soient pas faites parce que je me sens obligé de le faire, mais en fait, pas en réaction, mais en action, en fait, d'être acteur de ce qui va être fait. Tout va dépendre de la forme, de la physionomie des matchs. Voilà, on Et va après, des voir. match-ups, ça peut être compliqué pour Payne de défendre un White. Bon, à voir en tout cas, mais il n'y Ouais, a pas mais. non plus énormément de marge de manœuvre et de scénario où on se dit, ah, moi je tenterais bien ça parce que ça peut faire la différence côté Knicks vis-à-vis des Non, Celtics. après, il faut bien À se voir si la paire Mitch et Karl-Anthony Towns, on va la voir aussi souvent, voire plus. Que ce qu'on a pu l'avoir face à Détroit, moi je pense pas. J'ai un peu du mal à voir comment Mitch va pouvoir rayonner comme il a pu le faire face à Détroit, là face aux Celtics. À voir, à voir. Mais en tout cas, voilà. Il va être l'heure pour nous de se lancer un petit peu sur les pronostics pour finir un petit peu cette série. Il y a beaucoup de questionnements, pas forcément de comment dire. D'éléments de garantie en ce qui concerne les Knicks face à ces Celtics, vous l'avez compris. De toute façon, beaucoup d'observateurs, par logique de plein de choses, de la régulière, du champion, de l'avantage du terrain, du 2 versus 3, du fait qu'il y a des joueurs plus forts côté Celtics, voient les Knicks sortir en 5, 6, en 4. Peu, vraiment très très peu ce risque à dire que les Knicks ont une chance. C'est aussi quelque chose qui va jouer sur le mental des Knicks et qui va peut-être leur donner un supplément d'âme en se disant ça y est, on est là où on veut être. C'est aussi une preuve de lucidité aussi quelque part. Bah pour l'instant, tous les voyants, tous les indicateurs donnent l'avantage à Boston. Donc C'est que les normal, Knicks se fassent éliminer, ça serait pas une surprise puisque voilà, ils ont Alors, perdu en régulière et ils oui, sont mais alors, voilà. attention. Après, il y Attention. a la façon. Il y a la Attention. méthode, Voilà. il y a la façon Que dont les tu te matchs vont se fasses dérouler. éliminer par Boston, non, ça serait pas une surprise. C'est 4 maintenant. blowouts, ah, ça serait très Ouais, sale. ou même deux blowouts où tu te fasses éclater, notamment un à la maison où, à la base, depuis le début de cette année, on nous dit, on a monté un effectif pour contrer justement les Boston Celtics, pour jouer les Boston Celtics. Bon, déjà, force est de constater qu'en saison régulière, ok, c'est la saison régulière, mais cet effectif n'a pas su trouver la réponse face à celui de Boston. Mais là, maintenant, tu es sur la piste aux étoiles. Il n'y a plus le filet dessous. Là, tu es regardé par tout le monde. et c'est là que tu vas que ton recrutement va être jugé. Ok, d'accord, tu es arrivé en playoff. Ok, d'accord, tu as fait 51 victoires. Tu as gagné 4 à 2 sur un faux 4 à 2 contre les Detroit Pistons. Ok, très bien, bravo. Là maintenant, tu es sous les projecteurs. Que vaut cet effectif? Si cet effectif prend l'eau de toutes parts, parce qu'en fait, ben, tu n'as pas les armes pour arriver à les contrer, cet été, il faudra réfléchir à des solutions et à tous les niveaux. Si maintenant, tu arrives à les accrocher et que tu te perds, on va dire 4-2, mais qu'au milieu de ça, tu te retrouves à la place de Détroit. Avec une... Ouais, dans une C'est-à-dire série accrochée. où finalement ça se joue à pas grand-chose. Ok, d'accord les gars, on n'était pas loin de trois ajustements et ça peut sourire. Si maintenant on se fait éclater la bouche comme en saison régulière, je serai intransigeant et je Ah serai bah ça comment dire. voudra. Ah ouais, Ça voudra dire que le projet et l'ambition affichée en début de saison et on en était loin quoi. Donc là on est sur le moment de vérité, le révélateur. On oui. voulait jouer ces Celtics, on joue les Celtics. Les Knicks en sont là où ils voulaient être. Peut-être que c'est au second tour, mais peu importe. On voulait jouer les Celtics, voir si on pouvait faire trébucher les Celtics. Alors peut-être qu'il y aura des blessures qui rentreront en considération. Peut-être que Pour ça peut l'instant, sourire aux Knicks. Peut-être qu'au tout le contraire, ça sera des monde blessures contre les Knicks. est en On santé. verra, peu Pour importe. l'instant, tout le monde est en santé. Il n'y a personne de questionable Il côté y a Knicks. peut-être un peu des bobos côté Celtics qui Non! pourraient du coup. Ils sont tous. Justement, il n'y a personne de questionable du côté Ah de. oui, non, avant de lancer la série, mais par Voilà. rapport au premier tour, ils ont eu des petits bobos, il y a eu des absences de l'un de l'autre. Bon, mais maintenant, là où on va se lancer, eh ben oui, tout le monde est prêt, tout le monde est au rendez-vous, ça tombe bien. Eh ben c'est là qu'on va pouvoir juger tout ça et voir comment ça se déroule. Avantage du terrain aux Celtics. Les deux premiers matchs pour le calendrier, et puis on va se lancer sur nos pronostics, auront lieu ce soir. Eh ben oui, ça démarre tout de suite, dans la Ce nuit de soir, lundi à mardi, pour ce Game 1 qui s'annonce chaud, bouillant, forcément. Les Celtics aussi savent que les Knicks avaient une ambition de les détrôner. Ils ne prendront pas ça à la légère. On est sûr et certain de voir des Celtics. À, comment dire, focus, concentré sur le début de cette série. Ensuite, le deuxième match aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça tombe bien, jeudi c'est férié, donc ça permet de regarder le match et de rager toute une journée de jours fériés, ou au contraire de célébrer, enfin on verra en tout cas. Et le match 3 de cette semaine aura lieu dans la soirée de samedi. Alors là, sur le screenshot, vous n'avez pas l'horaire, mais vous le savez, puisque il y a notre ami Karl Anthony Towns qui est à gauche, enfin à droite, enfin bref, sur le bandeau latéral pour nous annoncer la Ken Viewing Party samedi à 21h30. Ouais, en fait, j'aurais jamais pu être présentateur météo parce que, avec les caméras inversées. Alors, en Bretagne, il pleut, comme d'habitude. Alors la Bretagne, c'est à l'est et à l'ouest. Non. Bref, voilà, match 3 pour cette semaine et la suite de la série aura lieu la semaine prochaine. On va juste faire le prono de cette Ben, semaine. on va On vous juste. donnera le prono de notre série la semaine prochaine quand on parlera de la fin de la série. Tu te lances, je me lance. Au final, qui? Toi, t'étais sur un 4-2. T'étais sur un 4-2 sur la série Bon, bah, précédente. On aurait pensé tous les deux que la série se terminerait en match 5. C'est terminé en match 6. Bon, bah voilà. Moi, j'étais sur un 4-1 ou 4-2. Ouais, bah, c'était plutôt sur un 4-1. Ça s'est fini en 4-2. Bah tant pis. Allez, vas-y. Honneur à toi. Lance-toi pour cette semaine. Pour cette semaine uniquement. Et sur ces trois matchs. Alors, on va pas parler des forces en présence. On va pas parler des bilans. On le connaît. Il n'y a qu'un adversaire. Et on en a parlé pendant déjà, allez, quasiment une heure et demie. 1h40. Qu'est-ce que tu vois cette semaine? Et puis, c'est un scénario sur ces trois matchs de la semaine. Alors, les personnes un peu fragiles mentalement, je crois que c'est le moment de mettre mute ou de raccrocher. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Parce que ce que je vais dire ne va pas forcément vous réjouir ou vous remonter le moral. Donc, écoutez, non, moi je pense sérieusement que là, on est sur un 3-0. En mode champion du Ouais. monde et 1 et 2 et 3-0. Ouais, s'il doit y avoir une réaction, ce sera au Game 4, mais. Je crois que Boston veut nous mettre la tête sous l'eau. On arrive, tu l'as dit, pas forcément en méga confiance. Notre effectif est pas méga huilé non plus. Hein. C'est pas quelque chose où les mouvements de balle, ça circule dans tous les sens. C'est beau avoir joué. On n'y est pas. Boston, on l'a suffisamment dit, là, comme tu l'as dit, a suffisamment d'armes et pour nous défendre. et pour scorer contre nous. La marche, pour moi, est bien trop haute. Je ne nous vois pas en prendre un là-bas. Je ne vois pas faire le scénario d'Indiana. Indiana est vraiment une équipe particulière qui pouvait contrer les Cavs. Nous, on n'a pas ça. Donc, tout logiquement dans ma tête, je nous vois avec un 3-0 au sortir de cette semaine. De cette première semaine. Ok, ok. C'est un scénario tout à fait possible. De toute façon, il y a plusieurs possibilités. Il y avait le 3-0, le 0-3, au contraire. Il y avait le 2-1, 1-2. Écoute, moi, j'aimerais avoir ce scénario un petit peu à la Pacers, dans la foulée de notre série et avec un peu trop de repos, quoique ils en ont eu un petit peu moins que les Cavs, d'arriver à accueillir les Celtics chez eux au premier match. Ça serait vraiment un très beau coup de fée et ça permettrait tout de suite de dissiper certains doutes et d'en mettre peut-être dans la tête d'autres. L'état de forme, oui, on a dit toutes les troupes partent au complet, il y a un peu des bobos à voir. Jrue Holiday qui n'a pas fait toute la série, est-ce qu'il pourra peser? Mais il y a tellement d'armes, il y a tellement d'éléments vaillants et forts côté Celtics que bon, même avec un Jrue Holiday sur une jambe, ils ont de quoi nous passer facilement sur certains matchs. L'avantage du terrain, ça va jouer, parce que là, la série, elle va pas démarrer tout de suite au Garden, elle va démarrer au TD Garden. Il serait bon d'arriver à en prendre un des deux. Ça va être l'objectif, finalement, avantage du terrain. Si tu arrives à en prendre un des deux, tu as réussi ton début de série. Et après, quand tu rentres chez toi, il faut arriver à t'imposer. On a vu que les Knicks arrivent à bien jouer dans un environnement hostile. Le TD Garden, ils connaissent, ils savent quel adversaire ils vont avoir en face. Ils savent qu'ils vont pas être acclamés, bien au contraire. Est-ce qu'il y aura des Fuck Bronson? Bon, pas certain. Quoi, pas certain non plus. Non, je suis pas certain non plus. Le public de Boston est très fier et va être derrière son équipe, peu importe le prix des places. Mais je pense pas qu'ils ont, comment dire, une confiance qui va au-delà de ça. Ils ont pas peur des Knicks. Non. Pas peur des Knicks. Ils ont la confiance du champion. Ils ont pas de raison d'avoir peur. Ils ont pas douté en régulière. Donc voilà, pour eux, ça va être une balade de santé face à New York. Ça le sera peut-être pas non plus, mais voilà. Ils ont pas de raison de craindre. Ils ont cette suffisance, ou c'est peut-être pas le terme que je voulais utiliser, mais ils ont cette confiance qui leur fait ne pas du tout craindre les Knicks, même si on arrive avec une ambition, si on arrive avec une équipe de soldats. Est-ce qu'on va arriver à accrocher un match chez eux? J'aimerais bien le match 1, ce serait mon scénario idéal, mais je pense pas, je pense que ça va être... Voilà, je prends. Si on a cette victoire ce soir, je serais le plus heureux du monde. Mais mon prono, ça sera quand même une victoire à l'issue de cette semaine. Mmh. Et je vais la prendre plutôt sur le match 3. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a la viewing party, que j'ai envie de passer une bonne viewing party aussi. Et que, avec un 2-0 retour à la maison, peut-être qu'il peut y avoir un petit supplément là côté new-yorkais pour récupérer un match. Les Celtics ont lâché un match face au Magic. Ça veut dire qu'ils ne sont pas imprenables. Après, est-ce que ce qu'on n'a pas réussi à faire en régulière, on arrivera à le faire en play-off? Atom jouait pas, non, à ce match? Je sais plus. Je crois que Atom jouait pas. Je sais plus. Si, ou c'est peut-être celui où il se fait mal. Mais bon, en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas imbattables. Les play-offs, ce n'est pas la régulière. Oui, on n'a pas été bon en régulière. Il y a eu du mieux à la fin. En étant au complet, on a réussi à un peu plus les pousser dans leur retranchement. Mais c'est sur quel match, tu dis? Non, ils jouaient, ils le perdent 93-95. Ils finit c'est un soir où ils n'ont pas de d'adresse. Il finit le match avec 36 points, 9 rebonds, 4 passes. Il fera et tu as raison, ils étaient à 33% à 3 points, 9 sur 27. Voilà. Ouais. Ça peut arriver. Espérons que ça arrive souvent contre nous. Est-ce que les Knicks vont réussir à faire déjouer par rapport aux 3 points? On serait surpris. Mais voilà, en même temps, on a un Brunson qui est surprenant. Est-ce que les Celtics arriveront à vraiment complètement, sur toute la série, le limiter? Brunson, on sait, il passe à côté de certains matchs, mais il rebondit très bien derrière. Karl-Anthony Towns, je l'attendais sur la série face à Détroit. Il m'a fâché par moments, il m'a rassuré à d'autres. Là, on l'attend forcément. Et on l'a dit, il y a peut-être une ouverture par rapport à cette pseudo-fragilité intérieure des Celtics. Donc c'est là où Kat doit enfoncer. Et comme on dit, s'il y a une ouverture, ne te pose pas de questions, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. ça peut passer. Donc, Kat doit briller dans cette série. Il peut pas faire ce qu'il a Vous fait avez en la rêve. régulière, se planquer. Mettez-la. Ouais, Jean-Claude Duss, si tu nous entends. Mais voilà, c'est. Nous, oublie que t'as aucune chance, fonce, quoi. Voilà. Et pour l'instant, tout le monde donne l'Enix perdant. Et moi, je préfère cette situation-là que peut-être la situation où on devait gagner et on avait du mal à gagner. Donc voilà, l'Enix se sont face à l'adversaire qu'ils voulaient avoir. Allez, on prend un match sur cette semaine. Je dis pas après mon prono sur la reste de la série. De toute façon, ça, vous l'aurez un peu plus loin pour le prochain épisode, le 124. Mais voilà, une victoire et une victoire au Garden. Comme ça, tout le monde aura gagné chez soi. Et puis la semaine prochaine, bah, on voit si le match 4, c'est un match pivot ou pas, quoi. Le match 3, il sera pivot déjà, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et puis, sait-on jamais. Donc, moi, je pars sur un 2-1. Deux victoires de Boston chez eux, une victoire de New York. Mais si on prend la première, Le premier tout, match mais moi je au prends, TD, ça fera un 2-1 pour New York, je serais très content. mais moi je prends toutes les victoires pour New York. Je les Après prends toutes. 3-0, ça serait un peu too Moi much. je prends voilà, je prends le sweep même de Celtics. Je le prends le sweep des Celtics. Tu vois, Allez, quand... s'il y a sweep des Celtics, il y a des gens qui vont être très très riches. Très très riches. Mais voilà, après il y a ce qu'un fan veut. Et puis Ouais. ce que la raison te dicte. Ouais, la raison. Est-ce que les playoffs sont raison? Est-ce que les playoffs sont passion? On verra. On verra. En tout cas, pour la passion, on vous donne rendez-vous samedi au Hideout à partir de 21h, samedi 10, pour la passion. La raison, on verra. Mais la passion, quoi qu'il arrive, et même si on est mené de zéro, on peut espérer, on peut espérer. Et pour ceux qui veulent poursuivre les échanges, eh ben, on vous donne rendez-vous quand? Non, pas demain. Non, pas mercredi. Non, pas jeudi. Non, pas vendredi. Bah, ce soir, en fait. Ce soir, sur Space, avec l'ami Chapi pour animer la preview en antenne libre Quasiment au même moment en sur fait X. que la diffusion de cette vidéo. Quasiment. Alors, la vidéo arrive à 18h30. Est-ce que vous auriez le temps de la regarder? Elle dure presque 2 heures. Voilà. Donc, bon courage à vous. Vous voulez l'audio, la vidéo, vous voulez les deux. Vous pouvez regarder les deux. Et nous, on vous donne rendez-vous bah, samedi, déjà. Et on vous donne rendez-vous aussi lundi prochain pour l'épisode 124 pour parler de ce début de série face aux Celtics. Quoi qu'il arrive, la série ne sera pas finie. Non. Est-ce qu'elle sera très mal embarquée? Est-ce qu'elle sera plutôt bien embarquée? Est-ce qu'on aura vu du bon, du moins bon? Et bah, tout ça, on en parlera lundi prochain. Voilà, tout simplement. Allez, voisin du dessous, bonne semaine à toi. Ouais, sois Let's go, GB. fort, surtout sois fort, lâche pas. On est sur le moment le plus dur, battre le champion, c'est pas facile. Battre contre les champions, ça arrive. Ça arrive. Allez, bonne semaine à toutes et à toutes. Let's go, Knicks. Ciao, ciao! Ciao.